Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous doutez que si vous entendez ma voix avant le début de l'épisode, il y a quelque chose d'un peu spécial. Déjà, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2021 et vous présenter nos excuses à tous les deux pour le retard qu'a pris finalement ce dernier épisode sur Kaamelott, la deuxième partie de notre examen approfondi de la grande saga francophone arthurienne de ces, disons, 15 dernières années. On a eu un peu, évidemment, avec la pandémie et nos occupations professionnelles, on a mis un peu de temps avant de finalement sortir cet épisode qui a été enregistré il y a un petit moment. Vous allez peut-être le réaliser en l'entendant, mais on espère quand même qu'il fournira une conclusion agréable à notre premier épisode qu'on avait fait avec Justine Breton et Florian Besson. Merci d'ailleurs à tous les deux qui nous ont pas rejoints pour cette deuxième partie. L'autre chose que je voulais vous transmettre, c'est, bah, vous le savez sans doute, vous le savez en tout cas si vous écoutez l'épisode qui va suivre, le réseau sur lequel nous sommes, Radio Kawa, ferme ses portes cette année, enfin a fermé ses portes en 2020 et va officiellement, disons petit à petit, fermer ses portes à mesure que les dernières émissions comme la nôtre quittent ses serveurs. À partir de 2021, nos nouveaux épisodes seront disponibles sur la plateforme de notre nouvelle association qui va reprendre un peu le flambeau pour à la fois Rex Condam et aussi nos autres projets, notamment notre série YouTube où on parle d'histoire des religions qui s'appelle C'est pas sourcé, et peut-être d'autres podcasts et autres, disons, projets annexes. Pour vous, normalement, rien ne devrait changer. Vous retrouvez cet épisode dans l'ancien flux et le prochain devrait vous arriver à travers un nouveau flux. Mais en principe, si vous utilisez une application de podcast standard, rien ne va changer. Vous allez recevoir le prochain épisode comme de juste et votre application va s'ajuster automatiquement et vous allez télécharger les futurs épisodes à partir de nos nouveaux serveurs. Si vous n'écoutez pas notre épisode à travers une application ou un flux RSS, en principe, vous allez pouvoir nous retrouver à l'adresse sursus.ch, donc sursus.ch, et vous pouvez retrouver tous les épisodes de Rex Condam, Rex Que Futurus sur ce site web, qui est encore un peu en construction, mais qui devrait pas vous poser d'énormes problèmes. Permettez-moi encore une fois de vous souhaiter une excellente année 2021 à toutes et à tous, meilleure en tout cas que l'a été 2020, et sans doute, on l'espère, plus prolifique pour nous. D'ici là, bonne écoute, et surtout, évidemment, n'oubliez pas, la quête continue. Rex Quondam, Rex Que Futurus. Épisode spécial, Kaamelott, livres 5 et 6. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rex Que Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Nous vous retrouvons ici pour le deuxième volet de notre rétrospective sur la série Kaamelott de Alexandre Astier, ici surtout sur les livres 5 et 6. Alors avant de nous plonger dans les méandres de Kaamelott et de sa fin, on va peut-être juste vous mentionner un peu de ménage d'abord avant qu'on commence sérieusement. Vous savez peut-être que Radio Kawa a fermé ses portes cet été. Vous écoutez encore cet épisode via le site de Radio Kawa, ce ne sera plus le cas pour longtemps, mais si vous êtes abonné au podcast, vous ne faites pas de soucis, le flux suivra et vous continuerez à recevoir les épisodes dès que nous avons fait notre transition sur le site de la nouvelle association qui va héberger Rex Condam, Rex Que Futurus. Et nos autres créations. Et nos autres créations, notamment notre web-série C'est pas sourcé. Vous nous retrouverez donc très bientôt sur sursus.ch. Comme disait l'autre, l'intendance suivra. L'intendance suivra, exactement. le flux RSS suivra pour autant qu'on arrive à exploiter Yann pour que ça se passe correctement, mais pas d'inquiétude, tout devrait se passer comme sur des roulettes et vous pourrez tout bientôt découvrir notre nouveau site, nos nouvelles créations par ce biais-là. Donc on va reprendre notre discussion de Kaamelott pour les deux saisons qui ont marqué le plus gros changement, je pense, de format que la série avait eu jusque-là. On voulait encore remercier Justine Breton et Florian Besson pour avoir participé au dernier volet avec l'été, puis la rentrée qui s'approche. Ils n'avaient pas forcément le temps de participer à ce deuxième volet, mais on les remercie encore d'avoir ajouté un contrepoint parfois nécessaire à nos emportements. Et aussi, bêtement, leur maîtrise, disons, plus fine quand même de la... des arcanes de la série que nous sur certains aspects, notamment ce qui est de la production. Ils sont beaucoup plus au courant que nous, ils ont beaucoup plus travaillé sur le sujet, donc ils maîtrisent ça de façon plus finement. Nous, on a le regard analytique global, mais eux, ils ont vraiment... Voilà, nous, on fait la partie où on fait le procès politique de Alexandre Astier, et puis eux, ils amènent le savoir. Les choses vraiment factuelles. Donc, merci encore à Justine Breton et à Florent Besson. On recommande leur livre, le livre qu'ils ont co-dirigé, disons, Kaamelott, un livre d'histoire, que vous trouverez dans toutes les bonnes crèmeries. Et les bonnes librairies aussi. Hein. Et puis leur livre aussi sur Game of Thrones et A Song of Ice and Fire, que nous n'avons toujours pas lu, mais que l'on peut quand même recommander si vous êtes intéressé par les liens entre la fantasy, l'histoire et nos représentations imaginaires collectives. D'ici là, je pense qu'on peut, on peut d'ores et déjà se plonger, enfin, en revenant un petit peu peut-être sur dont on avait parlé dans l'épisode précédent, qui était un peu, on avait beaucoup parlé de la genèse, un peu de Kaamelott, du format, du type d'humour... des choses qui sont évoquées par ce Kaamelott façon Astier, ce mythe arthurien repris. Ça m'intéresse beaucoup de revenir justement sur ce moment où ça commence déjà à diverger plus, parce que bon, Kaamelott était déjà une reprise de la matière de Bretagne de façon sur un pied purement comique au début, en tout cas. Il y avait ce côté vraiment très l'équivalent du croisement entre la matière de Bretagne et une sitcom de lieu de travail, typiquement, où il y a le roi Arthur et ses chevaliers incapables. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dans le fait que, à mesure que la série devient plus sérieuse avec les saisons 3, 4, 5, 6, on ne se rapproche pas beaucoup plus pour autant nécessairement de la matière de Bretagne historique. Hein. Alexandre Astier a toujours beaucoup dit qu'il était intéressé par le fait que la matière de Bretagne, c'est quelque chose où on peut ajouter sa pierre, mais on ne va jamais vraiment la dénaturer, même si on s'en éloigne des canons, parce qu'on ne fait qu'ajouter sa petite pierre à l'édifice. Et c'est vrai qu'il a pris ça très à cœur dès le début, mais ça s'est particulièrement vu, je pense, dès le moment où la série a quitté un peu ce format humoristique en épisodes courts de 3 minutes 30, diffusé vraiment en pastille avec des ressorts comiques qui sous-tendaient beaucoup des épisodes, pour passer déjà à une plus grande sérialisation, parce qu'une des plus grandes caractéristiques de Kaamelott au début, c'est vraiment ce côté, vous pouvez regarder, alors il y a des vagues arcs narratifs, il y a typiquement l'arc narratif de la saison 2 de Arthur s'est rendu à Rome, et il ramène genre de la pâte d'amande et des trucs comme ça, puis à partir de la saison 3, progressivement, il va y avoir de plus en plus le passage de Lancelot dans un milieu différent, Lancelot qui devient un peu un chevalier errant et qui quitte un peu l'administration de Kaamelott, mais jusqu'à la fin de la saison 3, on reste dans des arcs narratifs qui sont très lâches et du coup des épisodes qui peuvent se regarder un peu dans tous les sens finalement. Oui, il faut, parce qu'à cause du format justement éclaté, sérialisé, où c'est des capsules interchangeables, on peut pas avoir de changement de statu quo, on peut pas avoir de développement irréversible dans l'histoire, et c'est quelque chose qu'on a mentionné la dernière fois, c'est pas forcément un défaut, mais il y a des moments où il y a des arcs narratifs qui sont clairement interrompus. Genre vous avez le moment où Arthur rentre à Kaamelott et puis les gardes le reconnaissent pas et il finit en prison, puis Lancelot dit on va devoir faire une espèce de conseil pour vérifier que vous êtes bien le roi. Et on se dit ouh, qu'est-ce que ça va donner ? Il y a un affrontement entre Lancelot et Arthur qui ne vient plus. Mais en fait, non, l'épisode suivant, ça a disparu. Il y a l'épisode même où, quand Arthur et Lancelot, ils boivent ensemble, puis finalement, Lancelot essaye de buter Arthur, et qu'Arthur lui montre que l'épée revient vers lui, où on a quand même quelque chose d'assez important, c'est-à-dire qu'on voit des éléments du lore qui vont probablement être utiles plus tard, on voit Lancelot essayer de tuer Arthur, pas de conséquences. Et c'est pas vraiment un problème, parce qu'en fait, si vous êtes un peu fixé sur le pur récit narratif, la succession d'événements dramatiques, bien sûr que c'est un problème, mais du point de vue émotionnel, je trouve que c'est pas un problème, parce que vous avez la situation qui est là, qui est Lancelot, qui est une menace pour Arthur, et Arthur qui refuse, à ce moment-là encore, d'agir contre lui. Et le fait qu'il se passe rien après cet épisode, c'est une manière comme une autre de donner le ton, ça crée cette tension où on se dit... Puis quand on regarde et qu'on se connecte à la télévision, quand on ouvre la télévision online, quand on va online sur M6, quand on branche ses neurones, son ton de cerveau disponible sur la télévision et qu'on voit un épisode de Kaamelott et que la suite, il se passe rien, on n'est pas forcément sûr de si on a raté ou pas un épisode. Donc pour moi, c'est pas vraiment un problème, parce que même les épisodes qui poursuivent pas leur fil, crée cette tension ou crée ce développement. Mais donc, saison 4, 5, 6, effectivement, vous avez des changements de statu quo. Vous pouvez plus regarder ça dans n'importe quel ordre. Qui passe par des épisodes plus longs aussi dans la saison 4, déjà. Mm-hmm. Des formats de 7 minutes et parfois des moments un peu, déjà des moments un peu plus contemplatifs en saison 3, mais là ça devient quand même un peu plus la norme. Et surtout l'arc narratif important en fin de la saison 3, donc bon, toute la saison 3, Lancelot petit à petit devient de plus en plus chevalier errant, retourne à la nature, fait son petit campement dans les bois, fait ses quêtes de son côté. On sait jamais très clair de ce que ça implique, et en fait il finit par avoir sa propre petite bande de armée avec lui. Et à la fin de la saison 3, pendant laquelle Arthur et Mevanoui, la femme de Caradoc, ont commencé à avoir une espèce de relation un peu... de se rapprocher, disons une relation encore platonique, mais qui va commencer à être consommée, Guenièvre, à la fin de la saison 3, excédée, parce que jusque-là, Arthur avait des maîtresses, certes, mais c'était pas la femme d'un chevalier. Or, la femme d'un chevalier, c'est quelque chose d'un peu plus strict en termes de règles, en termes de Camelot, en tout cas, décide finalement de quitter Arthur et d'aller vivre avec... Lancelot. Et donc la fin de la saison 3 se termine sur le phénomène de on voit l'arrivée de Guenièvre au camp de Lancelot et la réponse des dieux qui va commencer à arriver puisque la Dame du Lac se retrouve chassée de son statut un peu de comment dire, de dame de fée, quoi, de fée, ouais, pour avoir échoué à maintenir Arthur sur le droit chemin. Il consomme finalement sa relation avec Mevanoui. Le terme qu'ils utilisent régulièrement, d'ailleurs, il parle d'elle comme un ange, donc un être, un messager des dieux ou un intermédiaire des dieux. C'est assez ambigu parce qu'elle a ce côté un peu de déesse païenne à la base, et puis enfin de figure semi-païenne. Et Arthur, d'ailleurs, à ce moment, il commente ça en disant elle lui reproche de vénérer Mars et pas le dieu unique. Et puis alors qu'il lui fait la réplique, mais oui, mais enfin, vous êtes bien bretonne à la base, le dieu unique, c'est pas tellement votre truc non plus. Donc il y a vraiment ce côté un peu ambigu de la Dame du Lac qui est clairement. Quand ils la mettent dans la saison 6 de Kaamelott, on la voit dans son milieu avec les autres dames des éléments, mais en fait elle est à Alpha du Centaure ou quelque chose comme ça, donc c'est vraiment ce côté assez Stargate. Effectivement, c'est Stargate, ou alors je sais pas, les Thanatonautes si on est des berbères. Mais du coup, ça présage l'arc narratif de la saison 4 qui est orienté sur Arthur qui va essayer de trouver une solution pour ses rapports avec Mevanoui, donc il va faire un échange d'épouses formel avec Caradoc. Et puis, de l'autre côté, la relation entre Guenièvre et Lancelot qui va tenter de marcher et qui ne marche pas si bien que ça, qui va s'achever finalement avec la paranoïa grandissante de Lancelot, qui va complètement perdre pied, en fait, et entrer en rébellion ouverte contre Arthur. Et donc la fin, du coup, la fin de la saison 4, c'est que on apprend que... Alors Arthur a essayé d'envoyer un espion dans le camp de Lancelot. On apprend que Lancelot devient un peu délirant, qu'il verrait une espèce d'homme en noir que personne d'autre n'arrive à voir, ce qui n'est pas très bon signe. Bien sûr, on sait que cet homme en noir est en fait une puissance extérieure qui est ici mêlée à Gand, qui était donc chez Chrétien de Troyes, l'opposant de Lancelot, qui était le fils de Baudemagus de Gore qui enlevait Guenièvre, et que Lancelot finissait par décapiter à la fin du chevalier de la charrette. Là, Méléagant est de nouveau un antagoniste de Lancelot, puis il est vraiment un peu le, comme j'avais dit, pour prendre un terme jungien, c'est l'ombre de Lancelot. Donc c'est tous les désirs réprimés de Lancelot, il essaie de les agiter, de les... Il y a un peu ce côté, tentateur. Tentateur. Émissaire du diable, peut-être. C'est pas très clair, la figure de Méléagant. Est-ce que c'est une punition des dieux Est-ce que c'est une punition des dieux, ou est-ce qu'il était de toute façon opposé au projet d'Arthur et du Graal et de la Table Ronde? Il a l'air de dire plusieurs fois qu'en fait, c'est pas vraiment l'échec d'Arthur dans la quête du Graal qui l'amène ici, c'est qu'il détestait le concept de base, en fait. Il le dit assez clairement. C'est assez peu clair, parce qu'il y a le côté de la réponse des dieux. Il est censé être la réponse, en fait. Selon la saison 4, qui fait une prophétie en fait autour du changement de femme d'Arthur, l'abandon de la quête, et qui déclenche justement la colère des dieux et l'arrivée de cette réponse. Donc, est-ce qu'il est vraiment un Satan dans le sens biblique à l'origine, qui est un ange, mais un opposant, mais contrôlé par Dieu, mais qui va avoir ce rôle un peu du tourmenteur, mais sous contrôle divin? Ou alors est-ce qu'il est vraiment une puissance externe, ce que la saison 6 suggère quand même déjà un petit peu? Il a l'air d'avoir, dans la saison 6, ça sous-entend qu'il a un plan qui va plus loin, et ce qu'il dit même à la Dame du Lac laisse entendre qu'effectivement, lui, il voulait voir tout ça capoter de toute façon, donc c'était plus le prétexte pour qu'il puisse intervenir. Et probablement Menagan, qui est joué par... comment il s'appelle, Carlo Brandt, oui, nationalité suisse d'ailleurs, un comédien de chez nous, qui est assez fort dans ce rôle, je trouve. Oh, il a une présence, il a une incarnation extrêmement... Il est habité, mais il ajoute un peu un registre, je trouve assez... Ce que j'aime beaucoup avec la saison 5, c'est comment elle arrive à jouer sur différents registres de jeu. Et comment Astier en fait arrive à mieux jouer avec ses personnages. On va reparler un peu après du casting, je pense, faut qu'on en fait le bilan résumé. Total, ouais. Mais je trouve qu'une des forces de la saison 5, vraiment, qui à mon avis peut expliquer une part de son succès, c'est que Astier disait justement qu'il écrivait vraiment pour ses acteurs. C'est-à-dire qu'il écrivait en se disant, tiens, ce serait marrant d'avoir Franck Pithiot qui dit ça. Ce serait marrant d'avoir un tel qui dit ça. Ce serait marrant d'avoir le personnage, voilà, Getno, qui dit ça. Puis il pensait vraiment à ses acteurs et à leur diction et à leur façon de jouer et le comique duquel ils rebondissent les uns des autres et comment ils pouvaient mettre ça en scène. Puis il disait des fois il y a une réplique, je la fais, on joue, ça marche pas, je l'efface. Et du coup, à mon avis, c'est ça qui fait que la saison 5 est si bonne, c'est parce que ça fait des années qu'il bosse avec ces gens. Mm-hmm. Et que les nouveaux qu'il fait venir, c'est clairement des types excellents. Ça va être Christian Clavier, Alain Chabat qui s'insèrent sans aucun problème dans le jeu d'acteur de la saison 5. Parce que c'est beaucoup de choses qu'il est en clavier, mais c'est un bon acteur. C'est un bon acteur. Et puis Alain Chabat, qui sont à bien des titres des inspirateurs du comique. C'est normal aussi que ça s'intègre parce qu'ils incarnent un genre d'humour de jeu comique à la française qui est particulièrement compatible avec Kaamelott. Donc ça marche extrêmement bien. Saison 6, je pense, au contraire, on a beaucoup de nouveaux acteurs. Je pense que ça explique en partie pourquoi la magie marche pas aussi bien. Parce que c'est beaucoup de gens avec qui il a pas bossé pendant 3, 4, 5 ans avant. Il y a des personnages qui marchent extrêmement bien. Le Checky Cario en gouverneur de la Bretagne désabusée, je le trouve qu'il est... Il a une présence. Après, je suis pas sûr que ce soit toujours très compatible avec le reste. Mais les scènes qu'il partage avec Arthur, c'est très bien. Non, il marche assez bien, au mec fatigué et tout, qui s'énerve. Mais par exemple, je sais pas comment dire, je trouve que justement... Bon, on en reparlera pour la saison 6. On verra peut-être quand on sera dedans. Mais donc, saison 5, si on peut peut-être faire un petit résumé de l'intrigue globale, c'est Arthur qui est qui après avoir maté la rébellion de Lancelot et arrêté un peu la tentative de putsch du roi Lot et des autres seigneurs un peu du Nord. Oui, c'est ça la ligne dont on n'avait pas parlé, mais le putsch de Lancelot était plus ou moins soutenu par Lot qui veut toujours manigancer Lot d'Orcany, d'Agonet, qui est son chevalier bras droit, et puis avec comment il s'appelle l'autre, le Galsin, voilà, le Galsin d'Orcany, qui est son exécutant. Et puis disons la volonté de la reine, la femme de Lot, Anna, qui est toujours pour des raisons pas très bien expliquées, enfin c'est plutôt clarifié dans la saison 6, mais qui est censée être la fille du duc de Cornouailles. Voilà, ouais. Contrairement à d'autres versions où là les sœurs d'Arthur sont pas forcément ses demi-sœurs, là c'est vraiment la fille de Gorlet, et Uther ayant tué son père, elle en veut, elle a une dent contre Arthur, quoi. Puis donc Arthur n'a pas, donc c'est un peu une des grandes ficelles de justement la tension avec Arthur, c'est qu'il veut pas agir, c'était il voulait pas agir contre Lancelot, il voulait pas entrer en guerre ouverte contre lui. Et puis donc la saison 5, on va voir que il va se créer des clans séparatistes de plus en plus nombreux, avec Caradoc et Perceval qui font leur, Yvain et Gauvin qui en font un. En fait, Yvain et Gauvin, on leur crée un clan séparatiste parce que justement il dit je veux pas lui demander de choisir entre son père et son oncle, donc il va lui permettre de créer un clan séparatiste. C'est pas très bien, mais voilà, c'est la logique derrière. Et du coup, il y a vraiment ce morcellement de la table ronde qui se fait, mais Arthur doit quand même rétablir son autorité. Puis alors il y a des gens qui lui disent bon, il faudrait soit que tu me fasses un héritier, bon c'est un peu hors de question, soit replanter l'épée. Puis alors on apprend que la scène qui s'est produite dans le Merlin en prose, donc la première fois qu'on avait l'épée dans le rocher qui était apparue, les barons veulent pas accepter l'autorité d'Arthur, donc ils replantent l'épée, tout le monde peut réessayer de se péter les veines à la tirer, il la ressort, il la remet, il la ressort, et il se relégitime en fait, et il se relégitime de plus en plus au fil du temps. Et Astier reprend ce motif là, puis donc il replante l'épée, puis tout le monde va pouvoir venir essayer de la tirer, puis à la fin il va pouvoir la reprendre. Le twist, c'est que Arthur, à mesure qu'il déprime, une fois qu'il est face à l'épée et face à, disons, ses propres échecs, etc., il ne la reprend pas, et il dit qu'il a échoué sans essayer de la reprendre. Et du coup le royaume de l'Ogre est dans un problème de succession, c'est-à-dire qui va pouvoir succéder à Arthur si personne n'enlève jamais. On fait venir un jurisconsulte pour ça, puis ensuite différents rois vont se succéder, donc la reine a le pouvoir, Guenièvre a le pouvoir d'en nommer un, elle va nommer son père, Léodagan, puis plus tard, Mévanoui va utiliser une subtilité juridique pour nommer son mari, Caradoc. Puisqu'elle est techniquement toujours reine. Puisqu'elle a annulé l'annulation du mariage d'Arthur, et donc elle peut, elle, désigner... elle a annulé l'annulation de l'échange d'épouses. Et donc, pendant que ses régents se succèdent, Arthur, lui, se demande justement s'il n'a pas un héritier quelque part, parce qu'il a couché avec plein de filles à travers de femmes à travers le pays. Il y avait la fille de Guetno qui était enceinte d'Arthur, probablement. On l'avait vu dans un épisode précédent. Et il se dit que il veut partir en quête de ses descendants. Il n'y a plus que ça qui l'intéresse. Et c'est un peu la deuxième partie de la saison où il va essayer de trouver ses enfants, s'il en a. Et il découvre qu'il n'en a pas, qu'il est probablement stérile après des années de fricotage. Disons, il y a une enfant, il y a une fille. Il me semble qu'il y a un enfant du côté de Guetno, mais c'est pas sûr que ce soit le sien. Pas sûr que ce soit le sien. Puis je crois qu'elle est décédée de toute façon. Voilà, c'est ça. Et ensuite, il est ramené chez lui en allant chercher les jumelles du pêcheur chez le pêcheur. Il y a des scènes très mélancoliques chez le pêcheur. Et en essayant de revenir, c'est Méléagant qui le ramène. En fait, c'est le pêcheur va lui chercher un guide pour revenir à Camelot parce qu'il ne sait pas comment revenir directement. Et c'est Méléagant, en fait, effectivement, qui va prendre ce rôle. Et en fait, en le ramenant pendant tout le long du dernier épisode de la saison, il va lui saper son moral, en fait, en le faisant passer par la maison de son père adoptif, Antor, qui était celui qui avait... Ou Hector, je ne sais pas comment il s'appelle, Antor, je crois. Ou Anton, peut-être. Anton, oui. Dans la version de Kaamelott, qui est un vieil homme, qui est un paysan, artisan, mais pas tellement... Comme on disait, plus paysan que chevalier, comme on disait dans Kaamelott avant, qui est joué par Guy Bedos, qui est une des grandes figures, disons, d'inspiration comique de C'est ça que j'ai dit, la saison 5, tu regardes les invités que t'as, puis t'es là, oui, ben forcément, ils savent faire vivre une scène et tout, donc pour moi, c'est un peu la meilleure saison, quoi. Il va être confronté au fait qu'il ne soit jamais vraiment retourné voir Anton. Il est confronté dans une espèce de fête foraine chez des forains à son ami Prisca, qui est une voyante, en fait, qu'il a connue à Rome. Et avec ces forains, il y a deux événements qui se déroulent. Déjà un, en essayant de rejouer le conte du garçon qui jouait au loup, Arthur est forcé de jouer le loup et est forcé par Méléagant, en fait, de terrifier toute l'assistance. Et puis Prisca lui prédit également, sous l'influence de Méléagant, en fait, qui la possède, qu'il n'a pas d'enfant. En fait, elle lui dit qu'il est un fécond sous l'influence divine. Mais alors, on ne sait pas si c'est vraiment Méléagant qui le sait et qui le dit à Arthur, ou est-ce que c'est simplement... c'est pas très clair pour moi. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est pas clair si c'est vrai ou si... C'est vrai que Méléagant le sait et que du coup il utilise Prisca comme véhicule pour ça, ou alors est-ce que c'est simplement un mensonge de Méléagant pour pousser Arthur au suicide, puisque c'est visiblement la décision qu'il prend. Enfin, en revenant à Kaamelott, il est confronté à son échec. Il a une espèce de séance de table ronde où il est assis sur un tabouret littéralement entre deux chaises, et où Caradoc et les autres chevaliers lui font un peu mettre le nez dans son échec, puis il se justifie, disons, en disant qu'il a quand même essayé malgré les difficultés. Et puis finalement il y a une autre série de mécanismes, donc ça c'était pendant le voyage d'Arthur, il y a une autre série de causes et conséquences qui s'est mise en branle. Pendant que Léodagon était au pouvoir, il a voulu réenvoyer des troupes sur certains avant-postes qui étaient un peu désaffectés depuis longtemps, et du coup Lancelot, qui était parti pour tuer Arthur, se retrouve à une tourelle où se trouvent Lionel, son cousin, et Bohort. Qui, en fait, il avait précédemment, au sommet d'une montagne, tenté... Méléagant lui avait demandé de tuer le prochain voyageur qui passerait, et il se trouvait que c'était Lionel. Lancelot avait refusé de le faire en disant « je tue pas mon cousin ». Et donc, Lionel, en voyant Lancelot, décide de lui tirer dessus alors que Bohort a pas envie, et Lancelot se prend une belle flèche dans l'épaule. Il est retrouvé notamment par la Dame du Lac, qui dit que si c'est parce qu'il était si indiscipliné quand il était petit que les dieux ne l'avaient pas choisi comme élu, et qu'il s'était reporté sur Arthur, et que notamment elle n'avait jamais pu rien lui apprendre, même pas la comptine de guérison des plaies. Et puis Lancelot essaye de se rappeler, et à force il arrive à se rappeler la comptine, à se guérir, à retourner ramper dans sa caverne, où Méléagant vient se moquer de lui plus ou moins, parce que Méléagant avait sous-entendu « vous êtes sûr que vous n'allez pas vous faire balancer une flèche ?» Et Lancelot disait que les avant-postes étaient désaffectés et qu'il les connaissait bien parce que c'était lui qui était en charge de ça pendant des années. Et donc, Lancelot guéri veut revenir à Kaamelott tuer Arthur. Arthur est de retour à Kaamelott. Il va prendre un bain, et puis Guenièvre lui dit de se détendre, etc. Et puis, Quand Lancelot défonce la porte pour venir le tuer, il découvre qu'Arthur s'est ouvert les veines et met la main sur ses plaies avec une espèce de petite aura magique qui laisse penser qu'il va... Qu'il est un Time Lord, en fait. Qu'il est un seigneur du temps. Un seigneur du temps. C'est littéralement... J'ai regardé ça tout à l'heure, c'était littéralement le même effet, en fait. T'as vraiment les particules d'énergie jaunâtre, comme ça, qui quittent la main, puis t'as vraiment l'impression qu'il va se régénérer, puis utiliser l'énergie de la régénération pour soigner... pour soigner Arthur. C'est ce côté un peu Doctor Who qui est assez amusant comme ça quand tu le vois dans le monde. Je dois dire que je dois critiquer le dernier plan de la saison parce qu'il y a ce fond du haut noir immédiatement quand Lancelot met la main. Et je me rappelle quand je l'ai vu à la télé en prime time, donc quand il a été diffusé la première fois et que je l'ai vu, c'était pas clair du tout sur ma vieille télévision qu'il y avait une espèce de truc brillant. Donc on comprenait pas immédiatement que Lancelot allait utiliser la magie, genre vu le thème de la série et qu'il avait utilisé une magie routine de guérison des plaies, c'était le truc logique. Puis effectivement, en voyant des gens qui en parlaient sur internet, j'étais ah bah oui, évidemment qu'il a fait ça. Mais je me rappelle qu'à l'époque sur ma télé, peut-être que le plan aurait pu durer plus qu'une demi seconde quoi pour moi. Oui, c'était pas très il y a beaucoup de je mélange les critiques, mais donc c'était voilà l'intrigue de la saison 5 de Kaamelott. Il y a d'autres choses, il y a Christian Clavier qui joue un jurisconsulte assez drôle, Alain Chabat qui joue le duc d'Aquitaine, François Rollin qui joue toujours le roi Lot. Splendide dans cette espèce de rôle d'humour un peu glacé et très théâtral. Donc vraiment pour moi, saison 5, ça doit être la meilleure saison de Kaamelott. Je me rappelle que je discutais c'était 2008-2009, je parlais avec des gens qui me disaient justement que eux, ils avaient vraiment pas aimé les dernières saisons de Kaamelott, que pour eux, les deux premières, c'était vraiment la base et qu'ils les remattaient en boucle. Et je me rappelle qu'à l'époque, ça avait pas été si bien reçu, mais moi, déjà à l'époque, je trouvais que c'était probablement la plus drôle. Honnêtement, c'est celle qui a les blagues qui me font le plus rire. Il y a des très bonnes répliques, il y a quand même un humour qui persiste. Et c'est une structure un peu bizarre parce que la saison avait été diffusée en espèce d'épisode condensé en prime time, en deux parties. Donc d'abord la partie de les pères plantés, qui joue la moitié de la saison, en gros, la première moitié de la saison, qui avait été diffusée d'abord en deux grosses soirées qui ne contenaient pas tout, mais qui contenaient, disons, l'essentiel de l'intrigue. Puis après, il y avait des épisodes doubles, donc comme la saison 4, tous les soirs, qui reprenaient l'essentiel de la série avec, pour le coup, plus d'humour, des scènes qui avaient été coupées, des épisodes longs. Et ça, donc, ça avait été diffusé comme ça en deux parties. Puis après, la saison 5 avait été, en fait, fait en format director's cut en 8 épisodes entre une quarantaine de minutes et une heure, plus proche d'une heure d'ailleurs, qui eux pour le coup contenaient toute la matière, qui était diffusée plus ou moins selon les chapitres, en fait, qui étaient l'équivalent des anciens épisodes de diffusés dans les capsules habituelles. Et c'était une structure un peu bizarre, mais qui faisait que du coup certaines arcs narratifs sont assez séparés, disons. Typiquement, il y a des moments où ils se croisent, mais il y a tout ce qui arrive à Caradoc et Perceval qui font de leur clan séparatiste dans la taverne d'à côté, le clan des aventures de Gauvin et Yvain. Vraiment, tout ça qui se combine d'une façon un peu étrange pour moi parfois. Même si, du coup, ça garantit qu'il y a quand même un ton qui change. Hein. On est dans un ton plus sombre, tout ce qui concerne Arthur est quand même plus sombre, même s'il y a quand même des moments drôles. Il y a quand même, je trouve, un changement assez net dans cette rupture de ton. Dans les précédentes saisons, tous les personnages sont comiques. Et là, rien de ce qui arrive à Lancelot n'est comique, par exemple. Alors qu'auparavant, il pouvait être soit l'objet d'une blague, ou alors il pouvait être le clown blanc dans une blague de ses hommes. Là, plus du tout. Il y a plus vraiment Arthur, dans la deuxième partie de la saison, n'est plus drôle, n'est plus un ressort comique, ou quasiment pas. Et par moments, ça se tient parce que, comme je disais pour les saisons précédentes, c'était un peu Lancelot et Arthur, c'était les deux personnages qui étaient clairement à part. C'était les deux qui étaient ni démesurément cyniques, ni démesurément idiots. Ouais, il y a quand même des moments où ils étaient quand même régulièrement les clowns blancs de réaction d'une blague, soit quelqu'un qui parfois, typiquement, il y a des épisodes où Arthur est drôle. Ouais. Mais c'est comme là, tu dis, c'est dans la deuxième partie. Dans la première partie, il y a quand même plein de moments où justement, je sais pas quand on dit. Quand ils lui disent, quand il y a l'archiviste qui dit c'est le bordel, puis ouais, mais le père Blaise il était pas payé pour foutre de l'ordre là-dedans, puis c'est lui qui dit, non, mais on vous dit que le type que vous avez payé pendant des années il a rien foutu, puis en tout cas vous croyez peut-être que je vais tomber de ma chaise si. je devais faire une syncope à chaque fois que j'apprends qu'un de mes gars avait tendance à glander, j'aurais pas fini. Enfin, dans la première moitié de la saison, il a quand même des passages assez drôles. Oui, mais ça se raréfie au fur et à mesure de la saison, puis dans la deuxième partie, c'est tout. Je sais pas, quand il rend visite à Yvain et Gauvin, il y a quand même une scène un peu interlude où justement. Il y a des moments un peu plus drôles, effectivement. Oui, des moments drôles avec la femme de. avec la femme de Yvain, qui était une de ses anciennes maîtresses, justement. Demetra, ouais. Ouais, il y a des moments, il y a quand même des moments drôles. Et puis, c'est des ressorts, sa relation avec Guenièvre dans la partie, deuxième partie, où elle l'accompagne dans sa quête, justement, pour trouver ses enfants. Mais c'est clair qu'il y a quand même des moments purement dramatiques. Et ça se ressent aussi, je trouve, dans la cinématographie. C'est vrai que tu disais que la saison 5 était plus cinématographique par moment. Donc, il y a clairement, pour Astier, qui a été qui a toujours été un des réalisateurs de Kaamelott, qui a toujours été derrière la caméra. Mais on sent qu'il n'a pas l'habitude encore à ce moment-là de faire du cinématographique. Je trouve qu'il y a quand même des ressorts à des techniques que lui, il aime bien, typiquement le ralenti. Qui sont un peu kitsch maintenant. Hein. Qui font un peu kitsch, inévitablement. Qui s'utilisaient beaucoup dans la télévision, peut-être des années 90-2000, encore après, beaucoup. Et puis maintenant, c'est vrai que ça se fait plus trop. Je pense que c'est la combinaison. Pour moi, c'est vrai que c'est difficile de me remettre dans la position entre 2008 et 2009, quand ces épisodes ont été tournés et sont passés à la télé. C'est difficile de replonger là-dedans puis de me dire, bon, est-ce que c'était pas tourné sur film, par exemple? J'imagine que c'était tourné en numérique quand même, donc il y avait des avantages inhérents, il n'y avait pas le côté cinématographique qui peut être amené par certains systèmes. On était quand même dans des cinémas, mais peut-être que l'évolution du langage télévisuel me donne des illusions. Et puis effectivement, je regarde des épisodes, disons, de séries qui sont dans des budgets similaires ou dans des tendances similaires, et puis je remarque aussi des choses un peu étranges ou que je trouve moches ces temps-ci. C'était peut-être parce que c'est pas à la hauteur de je sais pas moi, Watchmen ou Rome, par exemple. C'est pas pour ça que c'est mauvais. Mais je trouve qu'il y a quand même on sent quand même qu'Astier essaie de développer son langage cinématographique et que du coup, par moments, ça a des conséquences un peu encore... des trucs qu'on trouve un peu kitsch, typiquement, les scènes ralenties, Mais après, il faut se dire, voilà, la saison 5, elle a été diffusée en 2007... il faut se rappeler que, enfin, je sais pas, un des trucs que j'avais dit la dernière fois, puis que je trouve toujours vrai en rematant encore un petit peu entre deux, c'est que des fois j'ai vraiment l'impression qu'il tape dans une espèce de filon où on va voir quelques années après, en fait, 4 ans après, on va voir Game of Thrones. Et puis j'ai l'impression que cette saison 5, elle a des petits airs de saison 1 de Game of Thrones, où t'as des types en fourrure dans la neige qui font une espèce de scène un peu fantasy, différents royaumes qui s'affrontent. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en termes de ton, il a un peu préludé cette espèce de fantasy hivernale qui allait un peu avoir une recrudescence. Effectivement. Il y a une espèce de prêt, peut-être de prélude à ça, qui n'est pas forcément mauvais. Je pense, cinématographiquement, je suis parfaitement d'accord. Je pense, par contre, en termes d'écriture, il y a des choses intéressantes qui se passent. On voit des groupes de personnages qu'on n'avait pas l'habitude de voir interagir entre eux. Ce que je disais pour les saisons 1 et 4, c'est que souvent, vous avez un peu les mêmes genres de personnages qui interagissent. Donc, ça va être Arthur et puis... Léodagon et Lancelot. Ou alors, ça va être Arthur et puis Yvain et Gauvin. Ou alors, Arthur et puis Perceval qui dit des conneries. Mais vous avez rarement ce truc, parce qu'il y a des types de comédies qui marchent avec des personnages très simples. Et puis c'est l'association, la combinaison entre les différents personnages qui va créer des interactions marrantes. C'est que vous avez des personnages assez élémentaires, mais vous en avez une dizaine, je sais pas, et puis en les mélangeant, enfin en mettant deux, d'un seul coup vous avez un truc inattendu qui se passe, un humour inattendu qui surgit. Kaamelott marche pas vraiment comme ça. Kaamelott, il y a vraiment des registres et des codes qui marchent de façon assez contrainte. Et je trouve dans la saison 5, il arrive à créer des associations de personnages qui marchent un peu mieux. C'est-à-dire que dans les saisons précédentes, il y a des épisodes où on les regarde, puis on voit, je sais pas, Guenièvre et puis Hygerne, et puis on se dit, oula, cet épisode il marche pas vraiment, parce que c'est vraiment deux personnages qui sont pas faits pour résonner l'un avec l'autre. Par contre, saison 5, il y a des moments où on voit, je sais pas, Merlin qui parle à Yvain et Gauvin, qui disent qu'ils sont pourchassés par des loups, on a des moments où, je sais pas, M'Evanoui qui va prendre des leçons de magie avec Elias, des choses qui sont. Mais ça, c'est typiquement un élément intéressant, typiquement le. Qui explore parfois des connotations, disons, typiquement M'Evanoui qui prend des leçons de magie, ça a un côté, Merlin qui enseigne sa magie à Viviane ou Ninienne, suivant les versions, il y a des côtés un peu, des évocations intéressantes que ça permet, effectivement. Et ça c'est facilité aussi par la structure beaucoup moins stricte, typiquement les épisodes des saisons 1 et 4 qui sont filmés vraiment sur ce côté champ contre champ, caméra titre comme fixe, puis on joue toute la scène. Là, c'est clair qu'il y a des Il y a toujours des formats comme ça, les scènes de dîner, les scènes de table ronde sont toujours comme ça, mais il y a clairement plus d'opportunités pour faire des choses un peu plus aventurières, et même si ça n'est pas toujours réussi, si ça a coûté un peu kitsch, il y a une force d'évocation qui est toujours là, quoi, dans la saison 5. Un truc qui m'intéresse, au-delà donc, on l'a dit, hein, l'humour reste quand même, même si ça a ce côté sombre, ce que je trouve un peu moins réussi pour le coup, c'est, même si c'est difficile de se replonger là-dedans, mais est-ce que tu trouves que le thème central, disons, autour quelque chose qui était toujours présent dans la série et qui est, disons, manifesté au premier plan par la saison 4 puis 5, c'est l'échec de la quête du Graal, le fait que c'est une bande d'incapables, ils font pas grand chose, ils sont pas capables d'achever la quête qu'on leur a donnée. Et donc ça s'est manifesté aussi par le délitement moral à Kaamelott. Mais un arc qui du coup surgit lui dans la saison 5, c'est cet acte de la volonté de paternité d'Arthur. Et alors d'un côté c'est assez cohérent avec le côté, disons, Arthur en tant que pater familias de Kaamelott, c'est-à-dire le créateur, la personne qui est responsable pour Kaamelott, qui gère ça et qui est en gros le père de famille au sens très large du terme. Qui, quand il a, une fois qu'il a trouvé son échec dans ce qu'il avait réalisé, essaie de se dire, bon, est-ce que la solution numéro 1, la voie du père de famille, la voie simple, entre guillemets, est-ce que je peux quand même y aller? Et ça se comprend. Mais je trouve quand même que par moment, l'introduction de la paternité d'Arthur est un peu... C'est un cheveu sur la soupe. C'est pas vraiment nécessairement un cheveu sur la soupe, mais c'est quelque chose qui colle, je trouve, pas toujours très bien comme choix. Ouais, parce qu'on aurait pu trouver d'autres ressorts dramatiques sur Arthur, typiquement... Je pense en fait que ça marche parce que c'est un ressort dramatique qui est tellement, peut-être pas universel, mais qui est compréhensible. Il n'est pas vraiment présagé par avant. Et je pense qu'il fonctionne parce que c'est un thème suffisamment large et simple et élémentaire pour que ça s'intègre parfaitement là-dedans. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que c'est pour mais ça que je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement, je pense que c'est en fait un des phénomènes de la saison 5, c'est que Astier essaie d'internaliser, ou plutôt de métaboliser tout ce qui avait été mis de façon comique avant, de se dire, est-ce qu'on peut le mettre de façon tragique? Le fait qu'ils n'avaient pas d'héritier, c'était traité toujours de façon comique. Le fait qu'Arthur était déprimé, c'était traité de façon un peu comique avant. Genre, on a, je sais pas, l'épisode où tout le monde est beurré, puis il y a Arthur qui est tout seul dans la salle du trône, en train de... je vous verrais bien faire la quête du Graal. C'était pas traité de... Enfin, c'est la différence entre le comique et le tragique, c'est souvent une différence de timing, on va dire. Donc, oui, c'est ça. On prend le thème de l'héritier qui était toujours traité de façon externe, puis on se demande, bon, mais est-ce que Arthur, ça lui fait quand même quelque chose? Mais c'est ça le truc, c'est que Arthur, pour moi, ça marche pas entièrement à cause de ça. Parce que ça a été traité vraiment par-dessus la jambe, entre guillemets, auparavant, ça colle pas aussi bien que ça aurait pu. Ouais. Les échecs d'Arthur avaient été... Et surtout rétrospectivement avec la saison 6 et la justification de pourquoi Guenièvre et Arthur n'ont pas d'héritier, oui, ça, on va en parler, je trouve que ça fait encore pire, du coup. Effectivement, c'est un peu facile de pleurer maintenant, mais c'est clair que s'il avait eu des relations sexuelles avec Guenièvre, il aurait probablement eu un héritier. Statistiquement, au bout d'un moment, ça aurait donné quelque chose. Bon, si Meleagand avait effectivement... Peut-être qu'il est effectivement un fécond, effectivement. Mais voilà, le côté... comment dire? Que ce soit ça qui sente toute la seconde partie, c'est un peu fragile pour moi. Mais je pense aussi qu'une des idées, c'est que c'est pas vu comme un développement sain ou naturel de la pensée d'Arthur. Il a cette discussion avec Guenièvre après qu'il a abandonné Excalibur, et il dit... Il y a plus que ça il y a vraiment cette scène assez intense où ça zoome sur lui pendant qu'il y a la musique qui grimpe et puis qui dit je veux retrouver ma descendance, il y a plus que ça qui m'intéresse. Pour moi, c'est pas montré comme quelque chose de sain, c'est montré comme Arthur est vraiment genre au fond du trou et il se trouve une espèce de distraction plutôt que de se buter, il se dit je veux voir si j'ai pas des enfants, puis c'est un peu une espèce de fuite en avant pour lui, de fuite de trouver ça, et puis quand il en a pas, voilà. Mais effectivement, c'est quelque chose qui aurait pu être, je pense que je ne suis pas sûr qu'Alexandre Astier n'ait pas eu ça en tête avant. Hein. Ouais. Ça se voyait, par exemple, avec l'épisode des poupies, peut-être. Ouais, des poupies. Où il y avait Arthur et les enfants de Cradock. Mais je pense que ça aurait été très intéressant si ça avait été mieux amené dès le début. Si Arthur avait eu un conflit de conscience par rapport à ça. Mais chaque fois que c'était traité, c'était vraiment traité... Voilà, la paternité d'Arthur et de la fille de Guenièvre, de Guetno, par exemple, c'était vraiment... C'était vraiment l'occasion de faire une blague. Arthur dénie complètement, puis après... Justement, il a l'air content, il a l'air de vouloir des enfants déjà à ce moment-là. En tout voilà, cas, il a et ça... le fait que ça n'ait pas été plus traité que ça avant, à part sur le ton de les beaux-parents qui sont pas contents parce qu'il n'y a pas d'héritier, je veux dire, voilà, ça me semble un peu étrange. Je vois ce que tu veux dire, mais ça marche pas si mal, finalement. Non, ça marche dans le contexte, et voilà, mais c'est juste... Après, justement, tu parles de l'épisode des poupies, je pense une des choses qui disparaît avec le changement de ton de la saison 5, c'est ces épisodes un peu aigre-doux qu'on avait avant, en fait. On peut plus vraiment avoir ce contraste d'un épisode qui commence de façon comique, et puis qui enchaîne, et puis en fait, non, on vous a mis des émotions dans cet épisode. Ouais. On peut plus faire ça. Il y a toujours ces espèces de contrastes, mais ça devient vraiment, en fait, tragicomique. Typiquement, la scène chez Anton, où Arthur se rend compte qu'en fait, c'est son père adoptif. Ça aurait pu être, si c'était traité différemment, ça aurait pu être une scène qui commence de façon un peu comique et qui enchaîne de façon plus tragicomique. Il y a cette, je crois que c'est une phrase de Victor Hugo où il parle du théâtre romantique. J'aime bien la sortir à toutes les sources parce qu'elle marche tout le temps, où il dit que c'est un théâtre qui est entre le grotesque et le sublime. Et c'est un peu ça que Kaamelott a toujours essayé de naviguer. Mais là, du coup, on va beaucoup plus directement du côté tragique pour la deuxième partie, quoi. La série donc se termine sur le suicide d'Arthur avec sa saison 5, et l'annonce était que la saison 6 serait une préquelle essentiellement, c'est-à-dire qu'on commencerait par revenir aux origines de Kaamelott, et avec un format tout à fait différent, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un format en épisode court filmé pour ça, ça serait vraiment filmé pour être des épisodes un peu plus courts que ceux de la saison 5, pour le coup du Director's Cut, mais des épisodes quand même d'une quarantaine de minutes, avec je crois une dizaine d'épisodes en tout, si je ne me trompe pas, qui sont pour le coup sur un format beaucoup plus TV, comme on dit. Ouais. Et là où la saison 5 parfois avait ses côtés, comme tu dis, cinématographiques qui surgissaient, où on avait vraiment des moments extrêmement... Ouais, je pense que la saison 5 utilise bien ses centimes, quoi. Ils savent quoi faire avec les moyens qu'ils ont. Le rare moment, je pense, qui a vraiment vieilli, c'est genre l'espèce de scène onirique où Arthur voit le phare en feu, ouais, où tu vois le feu fait sous Windows Movie Maker, quoi. C'est vraiment... Ouais. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, à la rigueur, c'est une scène onirique, donc c'est pas trop grave. Ouais. Mais en dehors de ça, ils arrivaient bien à gérer leur truc cinématographique, je trouve. Alors que pour le coup, la saison 6 fait presque plus... Et c'est clair que c'est aussi en partie parce qu'il y avait des budgets pour filmer en extérieur, pour filmer... à Cinecittà, par exemple, ils ont filmé une scène en Italie, enfin à Rome, dans les studios qui ont servi à filmer notamment la série Rome, par exemple. Et là, c'est clair que ça se traduit par des plans plus serrés, un côté plus télé, justement, comme tu disais. Puis on veut en avoir pour notre argent. On a payé je sais pas combien pour avoir les décors. On va avoir des tas de scènes où on va essayer de les traire jusqu'au bout, quoi. Et du coup, ça se traduit donc du coup par un sens dans le passé. Donc on n'est plus dans la Bretagne de la fin du 5e siècle. On est quelques 15 ans avant, au moment où Arthur est encore un soldat à Rome. Alors on recontextualise beaucoup d'éléments qui avaient été introduits dans les saisons 1 à 5, en fait. Mm-hmm. Notamment, par exemple, l'amitié entre Arthur et Caius Camillus, qui était le centurion qui s'occupait du camp romain en Bretagne. Ils étaient ensemble dans la milice urbaine, dans la cohorte urbaine, pour être exact, si on parle historiquement, à Rome. Avant que Arthur devienne roi de Bretagne. Et en fait, toute l'histoire, ça va être d'un côté la Bretagne qui est, comme d'habitude, pour les Romains, alors c'est très drôle, pendant la fiction, la Bretagne c'est toujours la dernière frontière de l'Empire romain. Sauvage. En fait, c'est des tropes qui, historiquement, seraient mieux adaptées aux limesses germaniques, à la lutte entre les Romains et les peuples germaniques à l'est ou au nord de l'Empire. Ou sur le Danube, exactement. Alors que là, on a l'impression que les Pictes et les Bretons sont rebelles en permanence au nord du mur d'Adrien, alors dans les faits, pas tellement. Enfin, pas tant que ça. C'était plutôt stable. La Bretagne romaine, c'est vraiment une province d'ailleurs très romanisée, alors que la saison 6 nous la dépeint comme vraiment. Stable avec une tendance à produire des usurpateurs, quand oui, même. Oui, oui, mais disons, si ça pouvait produire des usurpateurs, c'est bien parce qu'il y avait des familles romaines légitimes, des troupes romaines légitimes, que c'était très romanisé, justement. En fait, j'ai l'impression que... Mais c'est une bonne question. Parlons du degré de romanisation de la Bretagne romaine. Non, mais je voulais y venir parce que la peinture que fait Astier de cette saison 6, la jeunesse romaine d'Arthur et de l'autre côté, la Bretagne avant lui, c'est un côté très Astérix, en fait. Ouais. Et je pense que c'est lié à ça, en fait. C'est l'imaginaire du Romain contre les, entre guillemets, Celtes, barbares, Gaulois, en tout cas. Ouais. Enfin, Celtes, justement, Celtophones. C'est cette image Astérix, Vercingétorix, les guerres des Gaules, etc. Où entre des Gaulois, alors qui étaient déjà romanisés en partie, à l'époque des guerres des Gaules, c'est clair, mais dans l'imaginaire populaire, ils ne le sont pas, et des Romains qui sont tout ce qu'il y a de plus romain. Et l'esthétique, alors effectivement, on ne va pas lui demander d'avoir une esthétique spécifique du 5e siècle romain, ce serait un peu beaucoup demandé, je pense, à une série comique, mais il y a ce ton qui colle mal, en fait, ironiquement, avec le reste de la série. Ouais. Pour moi, le reste de la série romaine, dont la Kaamelott s'inscrit assez bien dans le monde romain post justement 5e siècle. Kaamelott a des liens avec Rome, Arthur va à Rome, il y a quand même des relations, il y a quand même des Romains qui sont là. Arthur est clairement romanisé, c'est plus ou moins un défaut. Bon, ça voilà. On revient un peu en arrière sur ça. On a vraiment un portrait de la Bretagne au bord de la chute. Il y a des barbares partout. Il y a que tous les Romains qu'on voit en Bretagne, c'est des militaires. Et puis, alors que de l'autre côté, la représentation de Rome, on pourrait être en fait au milieu, on pourrait être au tout début de l'Empire. Voilà. Ça changerait pas en fait. On n'a pas l'impression que Rome, c'est la Rome tardive. Il mentionne Trois trucs. Le fait que tous les sénateurs soient vraiment des parvenus. Des parvenus. L'empereur n'a plus tellement de contrôle sur quoi que ce soit. Et puis, il mentionne explicitement si on foire cette affaire-là, c'est Ravenne qui va prendre le. Il laisse entendre que les affaires vont finalement bouger à Ravenne et que Rome va perdre son statut central. Donc c'est un peu le gambit que Kaamelott avait, où on est en même temps à la fois Justinien existe et puis Narsès rend visite à Kaamelott. Rome, on le voit à Rome, hein, dans la saison 6, Narsès. Ouais, Narsès. Et puis en même temps, Romulus Augustule existe Donc, enfin, ça c'est dans la série Kaamelott de base. Oui. Donc, on a ces espèces de synchronicité, enfin, pas d'anachronisme, mais on a une cinquantaine, une centaine d'années qui sont condensées. Après, c'est clair qu'on est dans une Rome un peu fantasmée. Il n'y a pas d'empereur romain qui correspond directement à celui qu'on voit dans la série. Non, il a pas de nom, justement. On l'appelle César, Imperator, donc c'est le nom générique d'un empereur, effectivement. On sait qu'il a été général avant, donc il est passé par l'armée. Donc ça, c'est tous les empereurs de la fin. Ça, c'est tous les. Sauf ceux qui sont des gamins, évidemment, mais. Non, mais pour le coup, voilà, c'est une Rome un peu. Différentes fantasmes, mais qui est quand même relativement bien incarnée, j'ai trouvé. Astier campe bien une Rome qui est différente de la Bretagne, dans laquelle Arthur a été élevé. Et on voit Arthur, en fait, qui est à la base un simple soldat de la planton, en plus d'un truc pas particulièrement prestigieux, la cohorte urbaine, et qui va, en fait, être choisi par le sénateur Sallustius, qui est un peu, en gros, le premier ministre de l'empereur, si on peut parler dans des termes aussi modernes, qui va, en fait, le choisir parce qu'il se trouve être breton et que des sénateurs qui le soutiennent le poussent, en fait, à recapturer la Bretagne, à pouvoir dire, ah voilà, on a vraiment reconquis la Bretagne complètement du nord au sud. Et il lui suggère d'utiliser le mythe de l'épée des rois. Et en fait, il se trouve qu'Arthur est un breton, donc peut justifier l'épée des rois, puis qui se trouve avoir enlevé cette épée des rois, selon ses histoires, en tout cas, qu'il raconte au sénateur. Et donc, il va instantanément être utilisé comme un pion par les sénateurs qui vont l'utiliser pour le mettre à la tête de la Bretagne, pour qu'il soit accepté par les Bretons. Comme un prête-nom, comme ils le disent. On va les dire un prête-nom, littéralement. Et en fait, du côté romain, donc, la série va se concentrer sur les efforts des sénateurs pour faire d'Arthur vraiment un général qui va être nommé comme ça, alors qu'il n'a pas du tout l'expérience ou le passé pour. Les efforts d'Arthur pour s'adapter à cette situation, lui qui a sa petite vie avec ses copains soldats, son meilleur ami Appius Manilius. En quelques semaines, il devient général guatémaltèque couvert de médailles. Et de l'autre, la Bretagne, où Léodagan et les autres seigneurs bretons qu'on avait vus dans les saisons 1 à 5 de Kaamelott vont toujours mener leur offensive contre les Romains et vont finalement, une fois qu'Arthur les rencontre, accepter de se soumettre à lui à condition qu'il chasse les Romains. Parce que Arthur, ce que les Romains savent pas, c'est qu'il a vraiment la légitimité parce qu'il est le fils du précédent grand roi breton, Pendragon, Luther Pendragon, et que de ce fait-là, il a une légitimité que les Romains n'ont pas. Mais il a une légitimité non pas en tant que seigneur romain, mais en tant que seigneur breton. Ouais. Et il va faire un double jeu, en fait. Il va parvenir à s'allier avec tous les Bretons, unifier la Bretagne, mais en échange, il va botter le cul des Romains dehors, en fait. Dans une espèce de justification du retrait romain de la Bretagne, qui pour le coup est intéressant parce qu'il se passe à une époque où ça s'est plus probablement passé que l'idée générale que les Romains sont partis d'un coup en 410 puis ils ont tout abandonné derrière, mais qui se fait au prix que l'image de la Bretagne qu'on a, c'est vraiment des Bretons qui sont pas du tout romanisés, quoi. Puis de façon assez marrante, il y a des espèces de synchronicité où en fait la plupart des gens seraient assez disposés à accepter Arthur comme souverain sur place, mais les partisans d'Arthur dans le père Blaise Merlin et tout s'imaginent que en fait il faudrait que vous épousiez la fille de Léodagan. C'est le seul moyen de le faire accepter, puis Léodagan de l'autre côté il veut faire épouser sa fille parce qu'il dit que c'est le seul moyen d'entrer dans ses bonnes grâces, alors que probablement ça aurait pu se faire sans le mariage, mais que les deux camps sont persuadés que c'est la seule alliance qui permettrait ce point de rencontre, et du coup le mariage devient encore plus arrangé parce que même les gens qui l'ont arrangé avaient pas si intérêt que ça à le faire, en fait. Et donc, ça crée encore un degré de plus. Et puis, il y a une autre explication qui est ajoutée sur le fait de pourquoi Arthur ne peut pas consommer ce mariage. C'est que dans son ascension, on l'a confié à une préceptrice qui devait lui apprendre les bons usages romains, et qu'il en est tombé amoureux. Qu'il l'a épousé, en fait. Qu'il l'a épousé en secret. Et puis, en fait, quand il arrive à dégager les Romains de la Bretagne, il y a une espèce d'ironie parce que le mari de cette dame était éloigné. On avait appris que le mari de cette dame était éloigné par Rome. Au début, c'est pas très clair ce qui est arrivé à son mari, on sait pas tout de suite. Et puis, on apprend qu'en fait, son mari, c'est lui qui est en charge des garnisons romaines de Bretagne. Que Arthur va remplacer. Et donc, que quand Arthur va le remplacer, il va pouvoir partir avec sa femme dans sa Macédoine natale. Et donc Arthur perd ce mariage secret qu'il espérait avoir, alors qu'il voulait juste récupérer sa femme et la mettre comme maîtresse officielle ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et puis un de ses amis qui était là. C'est son sidekick pendant toute la série. Son sidekick pendant toute la série se fait trucider dans le coup classique des préquels où tous les personnages qu'on a introduits dans le préquel doivent mourir parce qu'il faut expliquer pourquoi ils sont pas là dans la série de base. À part du coup Caius qui reste là. Qui reste oui, c'est assez curieux parce que alors Appius Manius qui est un peu le meilleur ami d'Arthur, qui est un élément assez qui va être son assistant un peu dans son ascension, qui a une personnalité que je trouve extrêmement énervante. Il a un côté vraiment pénible, je trouve en tout cas. Ouais, ils sont tous un peu. Il est joué avec un ton particulièrement. Je sais pas, je l'aime pas beaucoup comme personnage parce que déjà il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, et puis il est clairement là pour donner une raison à Arthur, enfin des motivations à Arthur de vraiment couper les liens avec Rome, en fait. Mm. C'est, il représente, ouais, c'est un peu le mec qui représente la connexion Romaine d'Arthur, en fait. Ouais. Voilà, et ça explique pourquoi, une fois qu'il est mort... Son autre pote, enfin l'autre, comment il s'appelle? Celui qui joue par Manu Payet, là. Ouais, qui joue le vendeur de citron. Vérinus, le vendeur de citron, là. Ouais, ouais. Et puis qui se font trucider... avec la copine de Manilus, et puis la fille avec qui Arthur avait vaguement une petite idylle au début de la saison. Ouais, un peu comme manière de lui vraiment faire payer un peu pour sa trahison à Rome aussi. Et lui donner quelque part un... Parce qu'il l'avait menacé pour ça. Je pense que ça joue dans le fait de... Ça aide à faire d'Arthur un personnage désabusé, en fait. Et puis, je crois que le dernier arc narratif qu'il y a dans la série, c'est celui qui concerne justement César, où Arthur va être introduit auprès de César plusieurs fois. Et dans son espèce de tentative d'accepter le fait qu'il a été promu de manière assez illégitime, César lui dit « Mais tu sais, personne ne mérite son grade. » Il y a une petite scène où César veut se balader dans la ville de Rome... puis Arthur doit essayer de l'escorter pour qu'il lui arrive rien pendant qu'il fait des conneries comme un gamin. Et finalement on voit la série se termine notamment sur la mort de justement ce César qui s'ouvre les veines dans sa baignoire, ou slash piscine, vu que c'est carrément ça, c'est carrément une piscine. Sous l'influence de Méléagant, on voit justement Méléagant qui... En fait, on le voit discuter face caméra, raconter une scène où un petit garçon avait amené des pâtisseries pour le général, mais voulait pas lui donner parce qu'il croyait pas que c'était le général. Et puis à la fin de la journée, il a fini par accepter de lui donner. Et il dit à Méléagant que c'est la journée qu'il a préférée. Et puis moi, j'aime beaucoup cette scène dans la saison 6, parce qu'en fait, c'est basiquement sous-entendu que le garçon, c'est Arthur, ou que peut-être pas directement... Ouais, plus ou moins, ouais. C'est pas directement dit, mais chronologiquement, ça pourrait jouer, ça pourrait être une espèce de lien accidentel. Et puis, le fait qu'il suicide... En fait, chaque fois que je regarde cette saison... Je me dis, bof, c'est pas... L'humour est très référentiel, il y a littéralement des gags qui sont réutilisés, puis le gag, c'est qu'on a réutilisé le gag. Il y a beaucoup de choses qui sonnent pas aussi bien en termes des personnages, des acteurs qu'on voit s'énerver, ou qui sont pas aussi drôles que j'ai pu avoir l'impression. Genre justement, le commandant en Bretagne, il a une espèce d'auxiliaire qui pense qu'à bouffer, à la bouffe. Qui pense qu'à la bouffe, puis qui fait des espèces de petits commentaires un petit peu, puis qui a une personnalité un peu énervante comme ça, mais il arrête pas de péter les plombs, puis je trouve que c'est pas si drôle que ça, parce que t'as juste ce personnage très aigri, puis un autre personnage qui a quand même l'air de se soucier de son bien-être, et de ses troupes, et puis qui a une espèce d'armure Marcel avec ses gros bras. Je trouve que c'est un peu himbo comme ça dans ouais, son. C'est ça. Et je trouve que son. C'est pas mauvais, c'est pas mal joué, c'est pas forcément un mauvais acteur, mais je trouve que la dynamique est pas aussi rafraîchissante ou drôle que ça aurait pu être. Après, bon, il y a des bons acteurs, hein. Patrice Chenet qui joue Sallustius, le sénateur qui mène Arthur à la. Enfin, à la baguette, plus ou moins. Enfin, il croit qu'il mène Arthur à la baguette, disons. J'aime bien François Levental qui joue son assistant. Je sais plus comment il s'appelle, parce que je crois que c'est Capito, l'aide de camp du sénateur, qui est vraiment toujours qui est son exécutant, presque son alter ego en fait, qui est très très drôle. Lui, je l'aime bien vraiment. Puis l'empereur qui est joué par Pierre Mondi aussi. Un géant quoi. le géant qui a pas bougé. Mais il est formidable en fait. C'est vraiment. Il incarne un peu. C'est marrant parce qu'on. Alors effectivement, le problème du préquel, c'est qu'on est obligé de concentrer toutes les valeurs d'Arthur, lui sont mystérieusement instillées en 2 semaines à Rome, au moment où il va devenir un chef de guerre, et on justifie du coup tous ses titres et tout, mais ça marche bien pour tout ce qui est de l'empereur, parce que ça incarne un ethos de gouvernement qu'Arthur a, qui est que les seuls bons rois, les seuls bons souverains, ils n'ont qu'une seule qualité, c'est qu'ils se préoccupent de la dignité des faibles. C'est vraiment le côté un peu j'ai lu une interview d'Acier où il dit ouais moi je suis pas de droite, de gauche, tout ça je m'en fiche un peu, je pense que j'ai juste un litmus test, c'est vraiment est-ce que la personne s'inquiète de la dignité des faibles. Et bon, c'est un peu générique, mais ça marche relativement bien comme personnalité d'Arthur justement. Après voilà, c'est un peu le problème avec la saison 6, donc qu'on a résumé franchement un peu avec les pieds là, mais qui est mais qui vaut la peine d'être vu quand même, hein, si... Je pense, c'est juste que, dans mon expérience personnelle, la saison 5, je l'ai regardée des dizaines de fois, puis ça me fait toujours marrer, je trouve que les gags marchent vraiment bien, le drame marche vraiment bien, elle est bien écrite, j'aime beaucoup les acteurs. Saison 6, c'est à chaque fois, je l'ai regardée que 2-3 fois, et puis à chaque fois, c'est justement, j'arrive au dernier épisode et je me dis, ah oui, il y a quand même une connexion, et puis on en a pas parlé, il y a un dernier épisode qui est on peut avoir 12 minutes, ouais. Disons le fait que l'empereur se suicide, effectivement il y a une connexion avec la 105 de Camelot, on voit un peu des espèces de présages de ce qui a pu hanter Arthur toutes ces années, mais il y a ce côté vraiment préquelitiste qui cherche à tout relier à un moment donné particulièrement disons réduit. Ouais. Un des trucs intéressants. Surdéterminer voilà. Vraiment le. Pour le coup, un des trucs que je trouve intéressant avec les préquels de Star Wars, c'est que y a, les préquels sont étalés dans le temps et ne cherchent pas forcément à tout raconter en un seul film ou à une succession d'événements de A à Z. Il y a vraiment ce côté avec les trois périodes temporelles des préquels qui se prêtent relativement bien à expliquer voilà, certaines choses de la vie d'Anakin à travers plusieurs époques. Et là, pour le coup, je trouve que ça aurait été plus intéressant de voir des préquels. Donc, le sous-entendu de la. Parce qu'il faut que si on aborde le dernier épisode de la saison 6, on comprendra peut-être plus clairement. C'est que ce dernier épisode s'ouvre sur Arthur qui raconte sa vie avant Kaamelott au père Blaise, en fait. Et il raconte donc. Il écrit ses mémoires, en fait, parce qu'il est, il a été soigné par Lancelot après sa tentative de suicide. Il a été amené à Tintagel. À Tintagel, donc. Et ça fait depuis 6 mois, 1 an qu'il s'est suicidé, mais qu'il a tenté de se suicider. Mais il n'a pas. Il ne réussit pas à se remettre, en fait. Il a fait de l'anémie, le sang ne se reconstitue pas assez, il n'arrive pas à manger. Et donc il est vraiment sur la pente descendante. Donc il raconte ses mémoires au père Blaise. Et petit à petit, certains de ses hommes vont venir lui, ou des personnes importantes de sa vie vont venir lui rendre hommage en fait. Parce qu'ils ont, il y a la rumeur qu'il est mort. Sa mère a fait courir le fait qu'il est mort parce qu'après avoir parlé au père Blaise, il s'évanouit pendant une semaine et puis sa mère annonce à tout le monde qu'il est mort et du coup tout le monde se rapplique. Mais entre temps, il s'est réveillé. Et il y a du coup cette espèce d'explication narrative, c'est-à-dire que tout ce qu'on avait avant, c'était vraiment un flashback d'Arthur qui se remémore, voilà, cet événement-là et comment il est devenu roi de Bretagne. Mais d'un côté, ce que je trouve dommage, c'est que du coup, ça concentre tout sur vraiment 2-3 semaines et ça explique un peu tous les traumas d'Arthur par ces 3-4 semaines. Alors que ça aurait été plus intéressant pour moi d'avoir un préquel vraiment qui se concentre sur peut-être des moments un peu plus éparpillés. La fondation de Kaamelott, c'est un truc qu'on n'a pas vu du tout. On va fonder Kaamelott, puis dans Kaamelott, ils disent voilà, ça fait 15 ans qu'on construit cette forteresse et puis maintenant. Je trouve qu'il y aurait eu moyen vraiment d'exploiter peut-être un peu plus les périodes temporelles, mais je me demande si c'est un peu ce péril constant de la préquelle. On se dit, il ne faut pas que ce soit trop facile. Que ce soit les préquelles ou les séquelles de ce truc que les gens ont bien aimé, on veut faire quelque chose en plus. Et du coup, on limite le fanservice, ce qui est très apparent dans Kaamelott, c'est que les retrouvailles entre les personnages qu'on connaît bien interviennent finalement assez tard. Arthur intervient beaucoup avec ses personnages. Il y a Caius qu'on connaît d'avant, mais c'est à peu près tout au début. Pendant 3-4 épisodes, il interagit quasiment pas. Il y a Merlin qui arrive ensuite, puis le père Blaise, le maître d'armes. Et vraiment, sur la toute fin, il interagit avec Léodagan, Guenièvre. Et notamment le père de Perceval, il y a une scène avec Pélinor, qui est un peu le porte-parole des Bretons, que j'aime beaucoup, hein, qui incarne très bien le père de Perceval. C'est Jackie Berroyer, je crois, si je ne me trompe pas. Et il y a vraiment cette espèce de. Ce qu'on trouve aussi dans Star Wars, par exemple, l'épisode 7, que ça m'a frappé, en fait, où les personnages importants, les gens que les gens aiment bien, sont délibérément laissés de côté, et on les fait se retrouver seulement par briques, par moment. Et c'est pas forcément très efficace, parce que, du coup, on passe du temps avec des personnes. Pourquoi je passe tant de temps avec, je sais pas, Appius Manilius ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'intéresser à lui ? Et au final, ça se double avec cet effet de concentration de l'action dans un temps finalement court, qui rend la chose un peu artificielle, en fait. Oui, c'est un peu un des défauts de cette série-là. Puis le gros défaut qu'on a mentionné, je trouve, ça reste quand même cette idée que il faut quand même justifier pourquoi Arthur couche pas avec Guenièvre. Donc on va dire qu'il s'est marié secrètement à cette dame et qu'elle lui a promis de pas faire consommer son mariage et qu'il pouvait avoir des maîtresses. Et puis ça a vraiment le coup d'une espèce de retcon qui était pas forcément nécessaire. Non, justement, et qui comme je tu trouve... disais, le fait que le mariage est arrangé, ça aurait pu suffire à justifier ça. Et aussi, on aurait pu trouver des tas de façons différentes pour qu'Arthur ne veuille pas pour une langue grecque ou qu'Arthur n'ait pas besoin d'un héritier puisque c'est l'épée qui désigne l'héritier en fait. Enfin, je veux dire, c'est ça, il y a ce côté vraiment. Bien, vu que Assier a absolument tenu à introduire le thème de l'impuissance sexuelle dans la saison 6, pourquoi pas juste dire que voilà. Arthur n'est pas forcément. Et je trouve que justement, rétrospectivement, ça tourne un peu en dérision la fin de la saison 5 pour moi parce que si Arthur était tellement. Ça rend moins crédible cette justification d'Arthur. Comme tu dis, si tu le lis sous l'angle de ah, c'est Arthur qui cherche à se raccrocher à quelque chose, ça marche encore. Mais si Arthur avait vraiment un tel désir de paternité. Je sais pas, à mon avis, ça aurait été plus intéressant d'avoir un questionnement plus profond autour de ça que il avait promis à sa première épouse, puis finalement, il l'a pas revue depuis, elle s'est barrée avec son mari général, sans avoir le moins du monde promis de ne pas coucher avec lui. Je sais pas, ça me semble vraiment très... Ouais, on va voir ce que ça donne. Je pense si ça sera revisité dans le film, en fait. J'espère pas. Je pense que c'est mieux de le laisser là et puis juste que le film soit complètement un nouveau départ, à mon avis. On va peut-être parler après des films, justement, et de la suite de Kaamelott. Mais j'espère que ce genre de choses, finalement... Voilà, je trouve pas que la justification est super, mais bon, si c'est ce qui a été choisi, j'ai pas forcément envie qu'elle revienne dans le troisième film ou qu'il... Après, Arthur va chercher le Graal en Macédoine. Après, il y a des trois trucs qui sont sympas dans la saison 6, quand même. Hein, le côté... L'humour est moins dérivé, pour le coup, et plus organique, ouais, par rapport à la saison 5, où il est vraiment beaucoup plus... Il y a moins ces moments marrants et moments tragiques. Il y a beaucoup plus de marrant dans le tragique et de tragique dans le marrant. Mais il y a quand même des moments qui sont clairement des interludes quasi exclusivement comiques. Typiquement les moments où on se retrouve avec Merlin qui va annoncer aux Bretons qu'il faut faire des quêtes pour le nouveau roi, et on se retrouve du coup avec un jeune Caradoc et... D'ailleurs, ils utilisent une technologie de de-aging du jamais vu, juste ils ont rasé tout le monde et puis tout le monde fait 15 ans de moins. Ils ont rasé tout le monde et ils leur ont mis des perruques longues. Ouais, c'est ça, ça marche assez bien, honnêtement. Franchement, je trouve que c'est très... Assif fait vraiment genre 20 ans de moins, Bort, avec l'introduction de Bort, le vieux son père, donc qui est cette espèce de chevalier grandiloquent, et sa mère qui a des faux airs de Penelope Fillon, je trouve que ça m'a beaucoup amusé. Non, le côté de Bort qui devient un chevalier noble et puissant en payant simplement, en offrant des tuniques aux pirates qui le menaçaient. Je veux dire, Mevanoui qui est une chippie dès le début, bon, ça c'était aussi assez comique. Ce que je trouve un peu moins, c'est un peu qui a pour le coup très mal vie, mais ça c'est un peu tout dans Kaamelott, c'est vraiment le recours permanent au punchline sur soi-disant, enfin, toutes les punchlines homophobes, en fait. Ouais. Le tapette, la petite madame, la pupute, la. Le recours systématique à l'homophobie pour la blague, honnêtement, en rematant, j'avais l'impression que c'était, dans mon souvenir, c'était encore plus présent. Ah, je sais pas, moi j'ai trouvé ça super omniprésent typiquement, mais gratuit en plus. Ouais, c'est assez gratuit. Toute la rhétorique du maître d'armes par rapport à Manilus, pour aucune raison, c'est juste... Il le traite juste de tafiole pendant 10 minutes, c'est censé être drôle. Alors ça, c'est un truc qui a sans doute mal vieilli, parce que c'était vu comme drôle à l'époque, enfin... Mais même là, c'est ce qui m'a frappé, c'est vraiment que c'est quasi l'unique ressort comique. Ouais, c'est vrai que des fois, il y a un peu de... Et je comprends pas pourquoi, parce qu'il y aura des trucs plus intéressants à dire que « Ah, le maître d'armes prend Manilus pour une... » Je sais pas, c'est pas... Non, c'est clair que c'est pas du génie d'avoir un mec qui dit... putain, il a écrit tafiole, putain, quel génie comique. Ouais, c'est clair que ça... C'est clair que c'est pas ça qui va me faire tomber de ma chaise niveau humour, mais... Non, c'est ça, il y a vraiment... Après, je pense que c'est très... Je veux dire, le problème, c'est que l'orgie des insultes est tellement homophobe en général, genre... ou homophobe, ou misogyne, ou pire, que forcément, si t'essaies d'être un peu insultant... Ah, mais je sais pas, Kaamelott a quand même maîtrise suffisamment bien ça pour pouvoir faire d'autres blagues. Ouais. Je veux dire, ça se voit pas tellement... Typiquement, ce qui est intéressant, c'est que pour les autres personnages... Est-ce que t'essaies de cancel Kaamelott? Est-ce que tu veux annuler le film? C'est terriblement. Non, mais moi je pense pas que le film sera autant. Enfin, j'espère que le film va pas retourner. J'espère que le film est encore plus homophobe. J'espère qu'il y a genre un mask off. Il y a un arc de 30 minutes où Caradoc va en Chine et peut être raciste contre les Chinois. C'est déjà un peu un élément de la saison 6, parce que Caradoc commence son aventure avec un sidekick qui s'appelle Lan, qui est, je cite, un Shintok. Ouais. Et c'est la seule blague, c'est que c'est un traître qui essaie de. Qui refuse de l'aider. Un fourbe asiatique. Voilà. Non, c'est... Pourquoi? J'espère qu'il y aura un super arc de Caradoc. Juste pendu, parce que voilà. Il y aura un super arc de... On explique même, c'est comme tu disais dans le besoin de tout expliquer, on explique même le rapport de Caradoc à la bouffe par sa captivité chez les Romains, où il a été genre affamé à un moment. Ouais, mais il s'est laissé enchaîner à un arbre, il a pas pu bouffer, puis il est arrivé dans un bar, dans un bistrot, puis s'est mis à bouffer comme pas permis. Et c'est pour ça qu'il avait tellement besoin de manger... Mais ça devient avait... très drôle avec Perceval qui lui explique la répartition de la dans ce ça, que je trouve fantastique là, ce moment. Non, c'est une bonne. Il y a deux trois bonnes scènes, mais. Mais c'est ça, c'est le côté vraiment tout doit s'expliquer sur cette fenêtre de deux semaines, enfin de quelques mois qui se passent en 450. Ce que je trouve le mieux fait, c'est l'origine de Lancelot du Lac qui fait des quêtes et puis qui sauve les gens, puis qui fait dites-leur que Lancelot du Lac vous a sauvé. Ouais, alors le prendre directement, quoi. Mais ça marche bien parce que ça marche super bien. Et puis tu vois Lancelot comme un psycho qui est juste Enfin, il a un god complexe. Un god complexe, psychologiquement complètement obnubilé par sa propre personne et sa propre réputation, et qui a juste et qui tu comprends tout de suite pourquoi il a pas pu devenir l'élu, parce que contrairement à Arthur qui est un peu qui n'a pas vraiment choisi ça, mais qui va faire contre mauvaise fortune bon cœur, puis qui va accepter d'être suivi, qui va toujours avoir de la bonne volonté. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'Arthur, il a quand même pas mal de bonne volonté, comparé à d'autres personnages dans cette série, mais qui ne va pas le choisir lui-même. Alors que là, Lancelot est vraiment celui qui est un peu en tort parce qu'il a, il l'a trop voulu, quoi. Un autre défaut que je reprocherais à la série, c'est la personnalité d'Arthur. Dans le premier épisode, Arthur, c'est vraiment un paillasson. Ouais. Et puis, instantanément après, il devient le Arthur qu'on a quasiment toujours connu. Ouais, il n'y a pas vraiment de progression. C'est vraiment, on passe d'Arthur en mode oh, je sais pas, je suis soldat. Puis d'un côté, ah voilà, je suis stratégie, tout ça, vraiment. Je lis des livres. Non, mais c'est déjà sous-entendu par le premier épisode. Donc il explique ça à la jeune femme qui. Il raconte qu'il lit des trucs de stratégie, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette espèce de mise en scène. Tu vois pas en quoi c'est pertinent. Genre le fait qu'il lise des bouquins de stratégie, il n'utilise pas une seule formation militaire de toute la saison. Non, tu comprends qu'il y avait l'ambition. C'est censé être. Ah, il a l'ambition d'être un peu meilleur. Oui. Mais typiquement, dès le moment où il devient un chef de guerre, puis il se met à ordonner, à donner des ordres et tout, il n'y a pas pour moi de progression. Il commence à maîtriser ça. Je sais pas, ça me semble un peu. Il n'y a pas vraiment beaucoup de progression. Et c'est en partie lié au fait que le cadre d'où il vient dans la série, c'est cette milice urbaine un peu de seconde zone où il est un peu troufion puis se fait marcher dessus par les officiers. Et pas le soldat. Il y a très peu d'évolution là-dedans, je trouve. C'est un peu dommage. On apprend que le roi Arthur était un flic. Voilà, ça explique beaucoup de choses. Mais non, je suis assez d'accord. Il y a un peu ça dans le premier épisode où on le voit justement mettre cette espèce de voile et puis aller mettre une tarte dans la gorge de son boss pour échapper au truc. Donc on voit qu'il est un peu plus actif ou héroïque que ça. Voilà, qu'il est malin, qu'il est. Honnêtement, quand tu regardes le premier épisode, moi j'étais hypé. Quand je me rappelle quand il est passé à la télé, j'étais hypé pour cette saison parce que t'as cette fin justement où le commandant en Bretagne qui écrit, puis on entend son voice-over sur la scène d'Arthur qui fait ça. Je me dis, oh, ça va être très bien. Et puis après, justement, je pense le manque de progression qui est aussi lié à comment Astier écrit ses saisons. Où justement lui il va pas forcément voir ça en termes de il y a telle épreuve, le personnage progresse, il passe à la suite, il voit ça plus à mon avis en termes de thème, de symétrie dans la saison qui font que c'est pas vraiment dirigé par les personnages. Oui, c'est ça, c'est vraiment un passage. Ben, c'est très visible avec Arthur, qui est un personnage qui est manipulé par tout le monde, en fait. Alors que les comics reposent beaucoup sur les personnages, le drame lui-même, en fait, il est vraiment beaucoup plus écrit, quoi. Il est beaucoup plus ordonné dans un plan, quoi. Il y a un côté qui est très, voilà, plus symboliste là-dedans, en fait. Les personnages passent par des situations plutôt que par leurs. Et ce qui n'est pas une mauvaise chose, déjà, je disais justement, c'est la fin de la saison, quand justement on voit l'empereur qui se suicide, on a c'est le truc, c'est comme le truc dans l'autre truc, oh, j'ai remarqué la référence. Et ça peut être un peu des fois des gens qui se gargarisent de leur intelligence et de la symétrie et tout ça, mais là je trouve que ça marche dans le message qu'il essaie de transmettre. Non, c'est ça, et puis ça marche aussi parce que c'est une façon finalement qui colle assez bien à la littérature arthurienne où il y a les actions des personnages sont pas forcément aussi importantes que par exemple dans la tragédie grecque ou des choses comme ça. C'est pas où on va plus s'intéresser à la succession des scènes et à ce qu'elle dit sur les personnages. Alors avant de faire un petit bilan global et de discuter peut-être un peu notamment du casting et des personnages et de leur évolution sur toute la série, on va peut-être faire une petite pause musicale, Laïs. Oui, je vous propose qu'on écoute Nothing is Lost de Patricia Tacson. Thank you. Alors voilà, c'était Nothing is Lost de Patricia Taxon. Et après vous avoir présenté donc les saisons 5 et 6 dans leur, disons, globalité, on va revenir peut-être un peu sur le bilan de la série qui s'achève hein, sur cet épisode de la saison 6 qui est revenu dans le présent, qui donne quelques... Alors on en reparlera peut-être un peu plus quand on parlera, disons, du futur de la série, parce que je pense que c'est intéressant d'en revenir sur ça, ne serait-ce juste que pour dire... Avant ça, quand même, que la série se termine sur cette un peu note d'espoir, après que Arthur ait donné les pleins pouvoirs à Lancelot, une fois qu'il a constaté son échec définitif, Lancelot, qu'il avait sauvé pourtant, décide de tout repartir à zéro, de pourchasser les chevaliers, de faire vraiment table rase et de brûler la table ronde. Mmh. Arthur est évacué par Venec, se retrouve à Rome, dans la villa, en fait, de sa préceptrice, qui a été abandonnée quand ils sont partis en Macédoine. Et, oui, ils lui ont dit, justement, nous allons laisser cette villa vide, qui pourrait être un havre pour les gens qui en ont besoin, et tout. Donc, il se retrouve dans cette villa un peu en ruine, dans cette Rome un peu déjà post-romaine, et il reprend, disons, courage après sa tentative de suicide. Et là, l'image se termine sur la musique du film Joe, de Louis de Funès, qui est un film... La musique est très belle, hein, mais je... Tu vois pas le rapport. Je vois pas le rapport du thème du film avec Kaamelott tellement. Mais ça fait un peu Tarantino, en fait. Il y a un côté Tarantino. Tarantino français. La musique un peu, voilà, comme ça. Mais ça se termine sur l'image qui passe en format cinématographique et Arthur qui fait des espèces de kata avec un bout de bois et la robe de sa préceptrice dans les mains. Mm-hmm. Et ça superpose à des images de lui, enfant, en train de manipuler Excalibur dans la neige. Ça annonce que bientôt, Arthur redeviendra un héros, donc ça va orienter déjà vers le cinéma et la suite de la Six Seasons and Three Movies. C'était en 2009, donc ça fait plus de 10 ans qu'on attend la suite, et puis peut-être qu'on va enfin la voir cette année. On va sans doute la voir cette année. Arthur qui fait des katas propulsés par le pouvoir du fétichisme, où il est en train de renifler la robe. Mais je sens... Je sens que ça se trouve qu'en fait on va pas voir Arthur du tout dans le premier film et puis il apparaîtra à la dernière scène. Ce sera comme Luke dans The Force Awakens, ouais, dernière scène, il va enlever son capuchon puis il sera là. Un truc comme ça. Soit ça, soit la première scène, c'est genre là, gros plan sur la calvitie d'Astier de dos, tu sais. Non, à mon avis, pour le coup, ça sera. Je suis assez curieux de voir ce que ça donnera, mais ça termine vraiment la série sur une note d'espoir, même si c'est un peu très Tarantino, effectivement, comme tu le dis. Bon, ça colle assez bien avec le style un peu cinématographique d'Astier, je trouve. Mais enfin, voilà. Je disais pour le côté réutiliser une musique de film, oui, sans forcément qu'il y ait un rapport direct. L'image, le côté ralenti, la superposition, enfin, ça colle assez bien. La série donc se termine sur cette image-là. Après quoi, il y a eu des tentatives, pour suivre la série, c'est-à-dire que Astier a eu d'énormes problèmes pour débloquer basiquement les droits qui étaient un peu menottés à la télévision et à M6, et pour obtenir le droit de faire son film comme il l'entendait, sans avoir de gens qui regardent par-dessus son épaule. Ça a pris des années. Sa relation avec justement le groupe n'était pas forcément idéale, notamment parce que, comme on l'a dit les dernières fois, il continuait à diffuser. On a vu qu'il traitait la série un peu par-dessus la jambe, et que aller au cinéma, c'était pas forcément ce qu'il voulait. Et puis, il y a eu des projets, c'est-à-dire pour faire une espèce d'interrègne ou de scénario un peu intérimaire. Je pense que c'est intéressant de voir le caractère des BD, on en a discuté la dernière fois, mais des BD qui ont été faites entre-temps, où on voit qu'elles prennent un côté beaucoup plus... où c'est plus seulement on va faire une aventure comique qu'on ne pourrait pas faire à l'écran, mais ça va être on va essayer de développer un petit peu quand même le lore, la situation, la politique du royaume de l'ogre, etc. En plus de juste faire un truc qui coûterait trop cher à faire à la télé, basiquement. Donc la BD a un peu joué sur l'intermédiaire, très peu, hein, parce qu'elle est bloquée temporellement à la saison 1. Il y a ensuite eu un projet qui était Kaamelott Resistance, qui était de faire une espèce de série audio. C'était pas seulement une série audio, il y avait vraiment un côté vraiment assez ambigu. Hein, sur ouais, ce que ça c'était y a un une... recueil de nouvelles, est-ce que ce serait un... Il y a eu une exposition, je crois, à Paris, où justement ils montraient un peu ce que ça allait être, puis finalement ça s'est jamais fait. Mais l'idée de la série audio, c'était une manière de dire, bah, comme ça on peut avoir les acteurs, on peut avoir le... On n'aura peut-être pas de comic visuel, mais disons, ça, vu le type de comic de Kaamelott et les acteurs qu'on a, ça aurait pu très bien marcher. En fait, ça aurait été une espèce de continuation assez naturelle, à petit budget, où on n'a pas besoin de s'emmerder à faire des décors, des costumes, des machins. On peut juste avoir quelques bruitages, et puis les décors, ça permettrait aussi d'autres comics. Ça aurait été très intéressant, malheureusement, je pense que ça va jamais se faire. Mais ça aurait été l'idée de développer un peu ce qu'ils font pendant que Lancelot est au pouvoir, que Arthur n'est pas là. Disons, il y avait l'idée de qu'il y ait des différents clans, une résistance contre Lancelot et ses hommes en blanc, ses Stormtroopers. Enfin, un côté vraiment Star Wars, quoi, clairement. Ouais. Hein. Et il avait même dit qu'il voulait faire une espèce de livre d'infographie, un peu comme les livres Star Wars, où il les fêtes et les chiffres, où on présenterait un peu ça. Et c'était assez ambigu. Il y a la notion que ça pourrait être une mini-série en partie à la télé. Ouais. Mais c'était tout occulté, je pense, parce que ce conflit de droit qui l'opposait surtout, non seulement à M6, mais surtout à la télé production qui était la boîte de production de Kaamelott, qui était la boîte qui avait aussi, je crois, produit Caméra Café. Et Jean-Yves Robin, qui était le président de cette société, et Astier était visiblement en conflit, et ça a été résolu seulement en 2015, alors qu'entre temps Astier avait bien sûr d'autres projets, et je crois qu'il a commencé à écrire le film plus ou moins à ce moment là et que ça a été finalement finalisé vers 2017, et c'est là qu'ils ont commencé à le tourner, à le mettre au cinéma. Donc il y a vraiment ce côté qui devait être rempli et qui finalement l'a pas été, en partie aussi je pense parce qu'Astier avait vraiment d'autres choses à faire, quoi. Il avait ses films d'animation, les séries qu'il adapte, ses projets de films à lui. Je crois qu'il a fait un film qui s'appelait, comment ça s'appelait déjà, avec Madame Hanson, David et Madame Hanson. David et Madame Hanson, avec Isabella Gianni, non ? Isabella Gianni, je crois. Ouais, il a eu pas mal de projets aussi qui, je pense, ont pas dû simplement... Il a un truc pour les femmes matures. Exactement. Il est apparu dans Astérix, notamment. Oui, il a fait Astérix et le secret de la potion magique. Enfin, il a fait d'abord Astérix aux Jeux Olympiques, puis après il a fait un film qui s'appelait Philibert, je crois, une espèce de film de KPDP à la Errol Flynn, donc il jouait le méchant. C'était assez drôle, d'ailleurs, hein, qu'il y avait ces moments... un peu camelotien comme ça, et puis véritablement c'est voilà le je trouve que la voix d'Astier, le jeu d'Astier marche absolument pas en animation, et je sais pas entièrement à quoi c'est dû, mais je pense que ça, il apparaît dans les films, je crois il jouait un légionnaire dans le secret de la potion magique, et puis il avait joué ah oui, je crois qu'il jouait un des centurions dans le domaine des dieux, hein. Peut-être le domaine des dieux, alors oui. Il avait fait un petit caméo dans la version française de Adventure Time. Il jouait dans la version, tu sais, la version gender bent, où t'as la version avec les genres inversés. Il jouait le prince Bubblegum, je crois. Oui, ça c'est... Honnêtement, c'est ça que je crois que j'avais parlé la dernière fois de Elise Moon, où je disais que j'aimais pas trop son jeu dans Kaamelott. C'est pas aussi pire que je me souvenais, mais c'est vrai qu'Elise Moon, c'est pas vraiment le répurgateur, c'est pas mon personnage préféré. Alors que Elise Moon, par contre, quand il est dans des films d'animation, je trouve qu'il marche super bien. Genre, Sid dans l'âge de glace et tout, je trouve que ça lui va comme un gant. Pareil un peu pour genre, je sais pas, Kev Adams, c'est le genre de type, je sais pas, quand il est à l'écran, il m'énerve, mais en animation, ça marche super bien. Ils ont des voix et des styles très énergiques qui marchent très bien pour ce genre d'usage pour l'animation. Astier, au contraire, je trouve que ça vide presque... Il est trop normal, en fait. Il est trop normal, et ça... Je sais pas. Il y a sûrement moyen de faire marcher ça, mais dans mon expérience... Bref, c'est une parenthèse qui est pas très charitable et pas très... Non, mais ça révèle peut-être... Voilà, tout le monde n'est pas... Voilà. Tout le monde n'a pas les mêmes forces, même. Mais du coup, le film est finalement en chemin, là. La série va donc... s'achever au cinéma, sans doute avec une trilogie. Alors peut-être dans 10 ans, on aura fini Kaamelott, on pourra... Ouais, je pense qu'il ne faut pas compter un film par an, là, c'est sûr. Non, à mon avis, surtout que le coronavirus et tout. Mais voilà, ça arrive enfin au cinéma. Peut-être que du coup, ça permettra ces fameux produits dérivés, cet univers étendu à la Star Wars, comme il semblait vouloir le faire avec Kaamelott Resistance. Peut-être que ça prendra corps avec un éventuel succès au cinéma, hein, si ça devient vraiment un carton, peut-être que ça justifiera justement de faire rétrospectivement des livres, des films. Après, je suis pas sûr que ce soit aussi... je sais pas, est-ce que ça passerait aussi bien à l'écrit? Ou est-ce que ça aurait un peu l'effet Donjon d'Hulbuck, où le passage à l'écrit est parfois un peu... Enfin, je sais pas si vous avez lu les romans du Donjon d'Hulbuck, c'est pas mal écrit, mais c'est, disons... C'est pas pareil. Ça passe pas de la même façon que ça passe à l'oral, et est-ce que là, du coup, à l'écrit... autant, voilà, avec la BD, ça capturait quelque chose, donc peut-être qu'ils arriveraient à le faire. Peut-être que les BD progresseront aussi dans le temps, et peut-être qu'on aura droit à des BD qui se situeront entre les deux, entre le film et la série, on sait pas. Mmh. Enfin, toujours est-il que, pour l'instant, en tout cas, on semble se diriger vers simplement une trilogie cinématographique en plus des 6 saisons de Kaamelott. Je pense qu'un des problèmes d'avoir un univers étendu, c'est que l'avantage d'un univers étendu, c'est que tu peux basiquement faire bosser des tâcherons slash des fans dessus, et tu peux vraiment sous-traiter ça pour avoir, je sais pas, des 10 personnes différentes qui écrivent des romans Halo, et qui vont être lus que par les fanatiques de la série Halo. Astier, il a une telle poigne sur son univers que je le vois pas inviter des gens pour bosser dessus. Alors la question, c'est est-ce qu'il va avoir le temps et l'envie de le faire alors qu'il doit faire les films, ce qui va être un truc vraiment à plein temps pour son chef-d'œuvre. Est-ce qu'il va avoir le temps de faire cet univers étendu, ou est-ce qu'il va avoir la confiance de faire venir d'autres gens pour le faire? Et ça, je le vois pas faire ça. Il a quand même fait 15 scénarios, enfin une dizaine ou une quinzaine de scénarios de BD. Combien est-ce de BD Kaamelott en temps d'année? Alors je suis pas sûr qu'un scénario de BD c'est pas aussi long qu'un roman ou qu'une nouvelle. Non, il peut certainement faire des choses. Je pense qu'il va continuer à faire des BD parce qu'il aime ça et tout. Il va peut-être même faire des BD autres que Kaamelott probablement. Mais je veux dire, l'univers étendu dont tu parles, l'avantage d'un univers étendu, c'est de pouvoir faire venir des gens qui sont pas forcément des auteurs aguerris. Et j'ai dit tâcheron, c'est pas très gentil, mais disons. Quelqu'un avec un cahier des Star Wars avec des grands auteurs, il y a des grands auteurs qui écrivent pour Star Wars, de la science-fiction, de la fantasy. Salvatore par exemple, qui est un des grands auteurs aussi du monde des royaumes oubliés, par exemple Harry Salvatore, il a écrit des romans Star Wars qui sont très bien. C'est l'occasion aussi d'avoir des gens qui sont connus. Après, je pense que la comparaison avec Star Wars est toujours un peu biaisée parce que c'est la franchise, la plus grosse franchise de tous les temps. Enfin, c'est une franchise qui est aussi collective dès le début. Enfin, l'écriture, c'est pas que George Lucas. Il y a d'autres influences. Et surtout, ça s'y prête bien parce que ce qui fait la force de Star Wars, c'est pas nécessairement justement son ton et son écriture, alors que c'est le cas avec Kaamelott. Ouais. Donc moi je le vois pas forcément faire ça. Peut-être, je pense qu'il aurait envie de le faire, mais je pense qu'avec son style de comment il bosse, je le vois pas réussir à faire marcher ça. Alors après, peut-être que je peux me tromper, mais je pense effectivement, comme il prévoit apparemment que les films soient aussi espacés dans le temps, c'est-à-dire que les films seront pas juste ce sera pas comme, je sais pas, d'après ce que Star j'ai Wars, compris la dernière trilogie à mon avis ce sera pas comme Le Seigneur des Anneaux, en fait, où basiquement les trois films c'est juste un film, quoi, c'est une seule aventure. Je pense que ce sera vraiment trois volets, et donc c'est possible qu'ils veuillent aussi faire des trucs entre les films, quoi. Oui. Oh, peut-être que ça se justifiera. Disons, il y a du temps qu'il peut pas passer à... Même s'il est à plein temps sur Kaamelott, c'est sûr qu'il va pas pouvoir passer tout son temps à juste être à faire autre chose, donc peut-être qu'il aura envie s'il y a des disons, il a du temps libre, il a du temps pour ça. Et si, aussi, il y a une adaptation financière à le faire. Je pense que ce sera aussi un bon test de voir le succès de Kaamelott, d'un Kaamelott, disons, entre guillemets, mainstream par rapport aux BD qui sont un peu moins sur le devant de la scène. Comment ça sera reçu? Est-ce qu'il y a un nouveau public qui va trouver Kaamelott grâce à ça? Ou est-ce qu'au contraire, ça sera plus difficile d'intéresser des gens qui n'ont pas été à la télé à regarder Kaamelott pendant des années? Il faudra voir. Le futur nous le dira, mais à propos de temps, et du temps qui passe, une autre chose qui va probablement restreindre ces possibilités d'agir, c'est qu'il y a pas mal des gens de son cast qui ne sont plus tout jeunes. Et il y a déjà eu des gens, on n'a pas fait la dernière fois, mais on l'avait fait pour Excalibur, la petite rubrique nécrologique. Donc il faut mentionner qu'il y a 2-3 des acteurs qui étaient dans Kaamelott qui ne pourront pas revenir par la force des choses, notamment Lan Truong qui jouait Attila. Donc malheureusement, pour mon désir de voir des blagues sur des gens asiatiques qui ont des accents, mon grand désir de voir ça à l'écran. On est un peu menacé aussi. Philippe Naon, récemment, qui jouait Goustan le Cruel, donc le père de Léo Dagan, qui jouait encore justement dans la saison 6. Marcel Philippot, qui jouait l'évêque Boniface dans un épisode des premières saisons, donc lui c'était un acteur invité. Guy Bedos, qui jouait Anton, qui nous a quitté récemment aussi. Après lui, je sais pas trop s'il serait revenu dans la série, je pense que ça aurait pas été. Et puis aussi, même dans la dernière saison, Jean-Yves Châtelet, qui jouait Vibius Pisantius Petrus, donc un des sénateurs qui essayait de mettre des bâtons dans les roues de Salustios, est décédé. Et je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'au cours des films, il y ait des acteurs qui puissent pas revenir bêtement. Et je me demande si on aura, je sais pas, dans le troisième film, un Franck Pitiot en image de synthèse pour compenser son... Ça justifierait peut-être aussi du coup le fait de... Au fil du temps, là, simplement le vieillissement des acteurs, ça justifierait aussi peut-être le fait de... Est-ce qu'il va introduire des nouveaux personnages? Est-ce qu'il va introduire des nouveaux personnages? Mais aussi simplement d'utiliser plus des... Pour raconter des histoires qui impliquent, par Gustave le Cruel, de faire une nouvelle ou un roman, ou le faire interagir, le faire arriver dans les... entre guillemets, univers étendu, enfin des étapes. C'est moins un univers étendu, je dirais, que des épisodes intermédiaires ou des autres médias, disons. Parce qu'un des arcs narratifs qu'il a sous-entendu qu'il voulait faire introduire dans la série, c'était quand, dans le dernier épisode, Arthur voyait apparemment en rêve Anna qui lui disait « ça vous dirait de coucher avec votre demi-sœur », ce qui laisse penser qu'il va vouloir introduire Mordred, l'enfant incestueux d'Anna et d'Arthur dans la série. Ce qui laisse penser, s'il introduit Mordred, je le vois bien introduire Galad aussi, donc est-ce qu'il va y avoir une nouvelle génération de personnages arthuriens, donc avoir un Mordred, un Galad, Galad qui serait dans cette version là je pense le plus logique serait d'avoir Galad qui serait genre le fils de Lancelot et la dame du lac, parce qu'il n'y a pas tant de... L'a élevé comme c'est sa mère adoptive. Oui. C'est pas très... Le maire de... Un Galad qui serait... Ce serait symétrique. Après, il n'y a pas de personnage d'Hélène, effectivement. Il n'y a pas de personnage d'Hélène Corbenic. On peut l'introduire rétrospectivement, hein, ça serait pas... J'étais la sœur de Perceval. Non, à voir, effectivement, ce que ça introduira, l'univers étendu par les films. Enfin, c'est ça, les films représentent un univers étendu parce que, visiblement, on va quand même voir une bonne partie de la Méditerranée antique. On aura Sting, on aura des tas de personnages. Il y aura Sting, c'est vrai que c'est le truc où j'ai vu le trailer. Chris Cornillac aussi, d'ailleurs. J'ai vu le trailer et je me suis dit, tiens, c'est Sting. Puis ensuite, je me suis dit, non, ça doit pas être Sting, ça doit être un acteur français qui ressemble à Sting et que je connais pas. Puis après, je vois les gens dans les... Puis je cherche Sting Camelot, puis je vois des articles qui en parlent. Puis je dis, non, je suis pas fou, c'était bien Sting. Non, mais c'est... Il va jouer probablement un anglo-saxon, je pense. Hein. Ça va être un peu le gimmick de le faire parler avec... Bon, il parle bien français, à part ça. Sting, il a vécu en France, non? Il a vécu en France, en Suisse aussi, mais... Il y a de quoi... Il y a de quoi et Clovis Cornillac qui jouera un rôle dedans, apparemment. Jean-Charles Simon a un rôle dedans aussi, je crois. Ouais. Il me semble, en tout cas. Jean-Charles Simon, d'Aqua Concert. Oui, oui. D'ailleurs, justement, lui, franchement, quand on parle de décès, je suis surpris de... Enfin, bon, il est pas si âgé que ça. Il a une voix super âgée, par contre. Il a 72 ans, ça va. Il a 72, ouais, quand même. C'est pas si... Non, Jean-Charles Simon, pour les Français qui nous suivent, parce qu'il voit... C'est un acteur fétiche d'Acier, parce qu'il a déjà joué dans David et Madame Hanson. Donc ouais. Ça, c'est logique qu'il revienne dans Camelot premier vol. Et c'est un journaliste... Je me rappelle quand ils ont annulé Aqua Concert, c'était une tragédie. C'était la meilleure émission de... C'est une émission où il y avait deux acteurs qui se balançaient des fions sans but et puis qui improvisaient une espèce de faux appel d'auditeurs et puis qui passaient de la musique classique. Ouais, c'était un peu l'émission comique de notre chaîne de musique, de l'équivalent de notre France Musique, en fait. Mais honnêtement, c'est l'émission où si tu tombais dessus en sachant pas ce que c'était, c'était très déroutant, quoi. Exactement. C'était bizarre. Malheureusement, ça n'y a pas de... Bon, il a eu un grand passé d'écrivain comique suisse. Il était dans notamment 5 sur 5 avec des pointures de l'écriture comique vaudoise et suisse avec Lova Golovichner, Amil Garda, Claude Blanc. Et puis il était aussi d'ailleurs conseiller national. Ah oui. Conseiller national PDC. Jean-Charles Simon ? Jean-Charles Simon était conseiller national PDC. Tout s'explique. Voilà, beaucoup de choses. Non, donc c'est un comédien et homme de radio qui a... Le parti du mariage. Voilà, exactement. Bon, moi maintenant, enfin, le parti des couples mariés. Le parti des couples mariés. Bref, à part nos tacles, ville sur la politique suisse, donc... Il faut en profiter, le PDC ne va pas exister pendant encore longtemps. Effectivement, hein, faut y aller tant que c'est chaud. Non, il a un rôle... C'est marrant parce qu'il me fait penser un peu... Je sais pas, il a un rôle à jouer... Un vieux druide ou un truc comme ça sera assez intéressant de voir. Ça sera intéressant de voir à quoi ça ressemble, en tout cas, de voir. Qu'est-ce qu'on a envie de voir dans ce film, du coup? C'est ça un peu la question. Ouais. Qu'est-ce qu'on aimerait voir Byzance. Écoutez, non, je sais pas moi. Ça commence dans le désert comme Star Wars. Ça semble assez clair. Hein. Non, je pense que ce sera intéressant de voir effectivement un peu cette extension de l'univers, ce passage. On voit un peu plus de trucs. Une esthétique, disons. C'est ça qui m'intéresse le plus dans le trailer, c'était qu'il y avait vraiment une esthétique plus développé encore, qui était déjà... Kaamelott a développé sa propre esthétique au fil des saisons, et là, pour le coup, la saison 6 l'avait moins, parce qu'on était dans une esthétique déjà familière, c'est Rome, quoi. Et là, pour le coup, on retrouve avec des espèces de costumes bizarres, des tenues un peu étranges, des chapeaux marrants. Moi, j'avoue, j'ai presque pas reconnu Franck Pitiot dans le trailer. Je l'ai... Ouh là là, il a... Il a vieilli. Il a... Oui, ou peut-être qu'il a plus le... Je sais pas. J'ai juste plus l'habitude de le voir en... en contexte. C'est possible, ça doit jouer. Non, je sais pas, je suis assez curieux, j'ai pas du tout d'attente en fait. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y avait rien. La fin de Camelot, c'était ça qui était, si on peut revenir peut-être sur du coup un bilan de la série, paradoxalement en parlant du futur, c'est que la Camelot se termine d'une façon particulièrement ouverte, disons, des tas de trucs peuvent se passer, et paradoxalement, il n'y a pas forcément une envie d'en savoir plus chez moi. Je me suis pas, j'ai pas passé des années à me dire comment il pourrait refaire ça, qu'est-ce qui va se passer avec tel personnage, comment va se passer, qu'est-ce qu'ils vont se dire, rien, vraiment rien pour moi. Alors que pour moi, ça se termine de façon très bien. Alors c'est une fin ouverte qui peut, il y a clairement cette idée que ça va revenir, ça va changer, mais du coup, j'ai pas d'attente particulière, tu vois, contrairement à Star Wars par exemple, où bon, aussi Star Wars, ça a été, disons, cultivé par l'univers étendu, mais où tu te dis, bon, bah, comment ils vont parler, qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'épisode 7, comment ils vont aborder la fin de la République, le début de la Nouvelle République, la fin de l'Empire. Là, il y a vraiment un grand canevas blanc pour moi, et ce qui fait que du coup, j'ai peut-être pas d'attente particulière qui pourrait être déçue ou perturbée, disons, par un film, en fait. Moi, j'aimerais bien voir une espèce de vindication, enfin de revanche un peu de tous les personnages qui ont été un peu maltraités par la série, genre typiquement Bort et compagnie. Guenièvre. Mais j'ai pas envie que ce soit, je sais pas, j'ai pas envie que ce soit l'espèce de, justement, ce qui amène, disons, le côté un peu, tu sais, quand ils ont fait les films Bilbo, puis où Bilbo, son achievement, c'est oh, il se bat contre un orc, puis t'as la ouest, enfin, c'est pas vraiment ça qu'on veut voir. J'ai pas vraiment envie de voir Bort devenir un Chad, mais. Surtout que je sais pas, le personnage de Borg, je le trouvais intéressant parce qu'il était pas vraiment, il était douillet, mais il était pas vraiment trouillard en fait. C'est-à-dire qu'il avait pas de problème à s'opposer à Arthur ou à assumer la responsabilité pour quand il y a justement Perceval et Caradoc qui laissent tomber leur tour de garde pour aller jouer aux cartes ou je sais pas quoi, puis il est prêt à assumer la conséquence, ou quand Lancelot débarque pour tuer Arthur, il a aucun problème à se mettre sur son chemin. Donc moi j'aimerais bien voir. Qu'est-ce qui pourrait faire d'intéressant avec Bort de manière un peu plus sérieuse, puis qu'il soit pas juste ah en fait maintenant Bort est un Tchad et puis il se bat en combat singulier, il est très fort. J'espère que ce sera pas juste soit un film match à sketch. Ouais. Ça m'étonnerait, mais bon voilà, c'est un peu un risque dans le film. Soit un film vraiment avec ses chaque scène, un peu comme parfois les grands épisodes spéciaux de séries ont tendance à parfois l'être. Typiquement la fin de Game of Thrones, c'était vraiment on passe 5 minutes avec tel personnage. J'espère que ça sera pas trop dans ça. Je préférais passer des longs moments avec quelques personnages et on voit quelques autres pendant un moment plutôt que d'avoir des petites séries. Raconter une histoire plutôt que juste être une espèce de. De collage. De quoi. Collage fan service. Mais enfin, c'est difficile pour le coup parce qu'on peut faire un bilan de Kaamelott sur ces 6 saisons, mais effectivement, cette perspective du film si proche rend difficile de se projeter. Et c'est à voir si ça nous donnera pas une perspective différente, en fait, paradoxalement, j'ai l'impression. Je suis assez facile là-dessus. J'aimerais bien avoir les tropes classiques. J'aimerais voir Perceval trouver le Graal, mais finalement, il le laisse tomber parce que le plus important, c'est l'amitié. Et puis qu'il est placé dans une situation où il pourrait trouver le Graal, mais il a quelque chose de plus important à faire. Il y avait des idées comme quoi le Graal. Il y a une scène à un moment où. Où Aconia, qui est elle, donc la préceptrice d'Arthur, on n'a pas du tout dit son nom d'ailleurs hein, pendant la première partie. Aconia Minor, la préceptrice et première femme d'Arthur, il la voit en rêve après son suicide et elle lui, sa tentative de suicide, et elle lui dit quelque chose comme Tu as retrouvé mon alliance, que tu avais laissé, il l'avait laissé tomber en fait en arrivant en Bretagne, et après et le Graal, tu l'as retrouvé le Graal, sous-entendu, il l'avait en fait. Ouais. Et certaines personnes ont dit le Graal, c'est quelque chose de métaphorique, c'est l'amour. C'est... Ou la. Voilà. Quelque chose comme oui, ça. Oui, ils évoluent là-dedans. Donc maintenant, je pense que ça peut être un sujet intéressant de comment est-ce que le Graal va être traité. Maintenant, c'est clair que je doute qu'ils le trouvent dans le premier film, on va dire. Non, c'est clair que ça ne va pas être quelque chose d'aussi aussi net quoi, que le... Je ne sais pas ce qu'il y a comme partie de la légende arthurienne que j'aimerais bien voir. J'aimerais bien voir... Gallo, mais c'est un peu mort. Je pense à mon avis. Mais c'est possible. Mais Gallo, c'est un petit peu mort à mon avis. Arthur en Terre Sainte, je pense que ça pourrait être marrant. Qui est carrément un truc où en fait le désert, c'est carrément genre il est dans le Sinaï. Jérusalem ou bien. Il va. Ça sort un petit côté Astérix, l'Odyssée d'Astérix, quoi, tu vois. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a moyen que ce soit assez. Moi, un truc qui me plairait bien, c'est de voir l'interprétation de Tristan et Iseult dans les journaux de Kaamelott. Juste. Du potentiel là-dedans, je trouve. Tristan et Iseult. Après, tu fais un spin-off comme Kaamelott, mais genre c'est Tristan et Iseult. C'est genre la blague où Tristan et Iseult couchent toujours ensemble et puis le remarque est là, oh, rats. Je me demande si c'est juste mesquin. Ça pourrait être un, je sais pas, ce qui pourrait être intéressant, c'est justement le côté, je sais pas s'ils peuvent pousser dessus, mais le côté un peu générationnel. C'est-à-dire que il y avait eu des cycles comme ça, genre typiquement Guiron le Courtois, dont on n'a pas encore parlé dans l'émission, c'est un cycle qui est basiquement le temps des pères de la légende arthurienne. Donc ça va être le temps du roi Ban, le temps du Terpendragon, le temps de tous les chevaliers qu'on a d'habitude qui sont un peu le statu quo. Ben en fait, on va vous parler de ce qui se passait à l'époque de leur père. Ils ont déjà des aventures. Bon, ça pourrait. Là, est-ce qu'ils vont faire ça avec la génération d'après? Donc on aurait Ivan et Gauvin qui serait un peu l'intermédiaire, mais on pourrait avoir justement Galahad, Mordred. On aurait qui? On aurait Arthur le Petit, donc les enfants bâtards d'Arthur, si effectivement il y en a eu un, pourquoi pas? Peut-être qu'il y a un bâtard d'Arthur qu'il connaissait pas, qui pourrait venir sur le devant de la scène. Ce que je trouve intéressant, c'était peut-être un, justement, au-delà de ça, une version où Arthur est vieux. Un Arthur vieux comme il l'est dans les versions en prose. Je pense qu'on va y arriver, peut-être pas dans le premier film, mais dans les deux ou trois, on aura Astier avec une barbe blanchissante et tout, qu'il avait déjà les longs cheveux, la longue barbe à la fin de la saison. Mais je pense qu'on va avoir un Arthur vieux pour la fin, un Lancelot vieux aussi, ça peut être intéressant, parce que je trouve que c'est un des trucs qui est dommage dans les films arthuriens, c'est que, comme je disais, dans La Mort le Roi Arthur, théoriquement Arthur a 90 ans et puis Lancelot et Guenièvre en ont autour de 50, et puis c'est le côté genre Lancelot et Guenièvre vieux amants, c'est un truc que je trouvais intéressant, puis avec les âges des acteurs qu'ils ont, ça, ils peuvent justement se permettre de mettre ça en scène. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dit avec que je trouve dommage un peu avec Lancelot, c'est qu'il a pas été traité de façon très, il a été de façon traité un peu extrême, et il a moins ce côté ambigu qu'a le Lancelot des figures comme figure un peu certes passionné, fanatique, mais qui est quand même héroïque. Et ça serait difficile de réexploiter Lancelot correctement maintenant qu'il est basiquement l'antagoniste, quoi. Voilà, donc à voir. Je suis curieux. Du côté des personnages introduits par la légende, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec Celie et Léodagan. Enfin, Léodagan existe, hein, mais Celie est un personnage un peu à part. Et je suis aussi assez curieux de voir ce qu'ils vont faire avec M'Evanoui, qui semble être dans un look un peu de méchante dans le film. Donc, je me demande ce qu'ils vont en faire. Elle va devenir une personnage de sorcière. Ouais. Bah, pourquoi pas, hein, une espèce d'antagoniste à la... Ou je sais pas, il y a des petits coins de la légende arthurienne que j'aurais bien réinterprété. Hein. Ça serait intéressant de voir typiquement la lutte entre Arthur et Rome, par exemple. La fin, les campagnes européennes d'Arthur, ça pourrait être rigolo de voir ça. Est-ce qu'ils vont parler probablement? Mais ça serait adapté, tu vois. Je sais pas si le Sting est vraiment là pour ça, mais ils vont probablement parler un peu plus justement des invasions germaniques, donc peut-être montrer un peu plus la transition. Montrer un peu la transition avec l'Angleterre. Dans ce podcast, on suit la ligne de Susan Osterhuizen, donc on est opposé à l'idée d'une grande invasion, massive. Donc je t'arrêter là, Laïs. Non, je suis. On sait pas. Ils ont juste spontanément commencé à parler anglais. Voilà. Ils se sont réveillés un matin. Non, ils étaient là avant que les Romains arrivent. Ils étaient là avant que les Romains arrivent. Bah oui. Donc c'est un mix culturel. Non, ça pourrait être intéressant effectivement de voir. Les Celtes, les Bretons et les Germains, c'est la même chose. C'est la même. Il y a des gens qui vont dire qu'il y a eu des migrations germaniques dès la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et que t'as des peuplades germaniques présentes même avant que les Romains s'établissent complètement. Ce qui est plus probable, c'est qu'effectivement il y ait des déplacements et des settlements de Romains le long de la frontière romaine au centre de l'île et que du coup. Mais enfin, bref, on va pas revenir là-dedans. Il y a aussi une autre question plutôt que de parler d'histoire. Je sais pas si Astier a très envie de parler d'historiographie post-romaine. Par contre, sur lesquelles il va devoir se situer, c'est qu'est-ce que son film va être. Tu parlais de l'esthétique. Donc est-ce qu'on va être plutôt King Arthur, est-ce qu'il va oser partir un peu plus du côté high fantasy ou pas? Ça c'est une question que je me pose, c'est-à-dire est-ce qu'on va rester un peu dans les mêmes plates-bandes ou est-ce qu'on va se permettre un peu plus de... C'est difficile à dire parce que la série elle-même c'était un paradoxe, c'était esthétiquement on était dans des trucs très grounded, King Arthur vraiment historique, mais dans ce qu'elle racontait, ce qu'elle voulait raconter, c'était clairement du high fantasy. Ils se battaient contre des skaven, contre des orques, contre des... Je suis pas sûr qu'ils mentionnent des orques, mais des skaven, ça c'était mentionné. Bon, des gobelins en tout cas. Des gobelins, des trucs comme ça. Donc, et après c'était bien le cas dans la série de BD. Donc, à voir s'ils exploitent plus ça dans le film, quoi. Alors que paradoxalement, les séries 5-6, saison 5-6, ont beaucoup plus tourné vers le côté. Le surnaturel était présent avec Méléagant, mais. Surtout que t'as justement César qui dit à Arthur la magie, il n'y a que ça qui fonctionne dans le monde, et puis il lui donne la bague pour détourner les lames. Et justement, on a l'impression que. Enfin, je me demande si ça ne va pas être justement l'orientation un peu plus. On va pouvoir se permettre justement d'avoir une histoire un peu plus vraiment fantastique que ce qu'on a eu avant, ce qui pourrait être intéressant aussi. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner en tout cas. Je me demande combien de références à Stargate il va y avoir. L'un dans l'autre, donc, quel bilan tu tirais de cette série Honnêtement, je pense que c'est une de mes séries. C'est un de mes trucs arthuriens préférés, genre la saison 5 de Kaamelott. la BD Perceval et le Dragon des Reins, c'est parmi mes trucs arthuriens préférés de tous les temps. Malgré tout le mal qu'on a pu dire de la série, puis de toute façon maintenant on dit ah, les fans de Camelot ils sont chiants, hein, parce que forcément il faut qu'on compense, tu vois, on peut pas juste avoir rigolé à ça et puis ben après 10 ans à la revoir, forcément c'est un petit peu moins drôle. On peut pas juste accepter ça, que parfois on se lasse des choses. On est obligé de dire que non, on n'a jamais rigolé à Camelot, j'ai toujours eu un visage de marbre, il y a pas une seule blague drôle dedans, il y a zéro talent, il y a zéro truc intéressant. Et je trouve que c'est cette attitude un peu surfaite. Alors que moi, j'aime bien cette série. C'est un peu une espèce d'ovni français. Mais je pense que ça va rester, au fil du temps, ça va rester un truc classique, que ce soit arthurien, série française, etc. Et j'espère que le film va être bon, parce que franchement, moi, j'aime bien quand les films sont bons. J'aime bien me plaindre, mais j'aime bien quand les films sont bons. Et je pense que, suivant ce que ça va donner, ça aura pu être un succès. Ça aura pu être quelque chose qui était son... un essai sur la littérature arthurienne qui était particulier, qui était parfois drôle, parfois tragique, parfois pas, mais je veux dire, je préfère mille fois, à vue de nez, je pense que je vais préférer mille fois les films Camelot, si on en voit plus qu'un, espérons, que King Arthur Legend of the Sword, ou le King Arthur de Fuqua, ou La Dernière Légion. Ou Excalibur. Mais Excalibur, c'est un peu l'étalon, hein, Excalibur maintenant. Excalibur, c'est l'étalon, mais c'est un film qui est presque trop scolaire, comme on l'a déjà discuté, dans le sens où il essaye tellement de. Non, de tout paquer. Je pense que ça sera une lutte à mort entre The Green Knight et Camelot premier volet. C'est ça pour le bon film, pour enfin une année où on a des bons films arthuriens. Ouais, si on verra bien. Si on voit enfin Green Knight. Disons, regardez, en ce moment j'ai regardé Cursed, la série basée sur le roman. Illustré par Frank Miller, et dont je crois qu'il est d'ailleurs au palmarès. Il fait partie de l'équipe qui a créé la série. Et ça me fait me rappeler à quel point Camelot est comme une série forte en termes d'identité. Elle a gravé sa propre niche arthurienne de façon extrêmement efficace et cohérente, d'une façon dont par exemple Cursed arrive pas entièrement pour moi. Et ça m'a rappelé peut-être les forces de Camelot en termes de world building, en termes de world building arthurien. Et pour le coup, c'est ça, c'est une série qui a fait sa niche, qui a choisi de s'établir quelque part et de creuser. Et de s'établir et de consolider ça. Et même si parfois c'est pas toujours une grande réussite ou il y a des moments un peu plus faibles, c'est une des grandes forces de la série pour le coup, c'est qu'elle a développé son identité, qu'elle fait pas un truc. Puis en juste quelques années aussi, c'est vrai que c'est ça. C'est ça, en 4-5 ans, Camelot a vraiment fait tout un univers, alors qui est pas particulièrement historique ou très fidèle à l'une ou l'autre des versions particulières, mais qui a son identité et a vraiment quelque chose de tout à fait vrai quand il dit que bah voilà, on peut qu'ajouter sa pierre à la matière de Bretagne, on peut pas simplement on va pas la ruiner ou quoi que ce soit, et c'est clair que là-dedans il a tout à fait apporté une pierre valable au grand édifice de la légende arthurienne. Avant qu'on finisse, je voulais juste mentionner une interview récente que on a pu lire de Alexandre Astier, qui m'a bien fait rire. La dernière fois, j'avais mentionné son combat impitoyable contre le piratage, et récemment, il parlait de je sais plus quelle école de théâtre ou de musique. C'est ça, l'école de théâtre à Lyon que sa mère anime, oui, bah, parfois. Et il disait justement, on photocopiait les partitions parce que quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent. Bah oui, c'est comme ça. Hein. Désolé de l'apprendre aux éditeurs. Puis on est là, oui. Bah oui, quand on est un artiste, c'est pas pareil que quand on est un adolescent qui veut regarder du Camelot. Hein. C'est comme les tables tournent. Non, mais je trouvais ça ironique qu'entre les deux épisodes qu'on fasse, on voyait M. Astier aborder une espèce d'attitude un peu plus pragmatique par rapport à ces questions qui restent. Parce que le droit d'auteur, ça continue à paralyser beaucoup d'entreprises artistiques, malgré tout. Ouais, c'est ça. Non, il y a le. Il a parfois une... Il a de la chance, finalement, que son grand œuvre arthurien soit complètement libre de droit. Enfin, fatalement, c'est quelque chose qu'il peut adapter et remodeler, et c'est un peu... Je pense que toutes les créations humaines finissent dans cette espèce de grand melting pot, donc c'est pas plus mal que lui, au moins, il est... Donc c'est aussi bien pour ses fans et pour le reste de la fandom, je pense que ce soit, même si lui a une identité très forte, que Camelot soit à ce point-là, l'illustration, la réalisation de quelque chose de libre, quoi. Ça, au moins, il n'a pas à se battre, lui, contre des éditeurs ou c'est pas comme s'il adaptait un roman des années 50 qui devait à tout prix, ou devait être fidèle à une identité ou à une ligne, en tout cas, sous peine que des droits d'auteur. Il y a eu quelques reprises, d'ailleurs, de fans. Il y a eu une fan-série qui s'appelait, qui faisait, basiquement, Uther Pendragon. Je sais pas si tu l'avais regardé. Je l'avais pas regardé, non. C'est pas terrible, hein. C'est vraiment, on a repris, on dit des gros mots, et puis. Non, c'est, à part ça, j'admire l'effort, parce que c'est une fantasy Camelot qui se passe du temps du Terrepin Dragon. Et, je sais pas si on la trouve encore en ligne, ou si elle a été oblitérée par M6 ou quoi, mais, c'était intéressant. Il n'y en a pas eu tant que ça. Je veux pas regarder les fanfics de Camelot. Non, je sais pas, disons, ça s'y prête, parce que c'était le moment où, effectivement, on allait avoir de ces fanséries, de ces projets comme ça, qui allaient pouvoir être facilités par Internet, l'accès plus facile à la technologie de tournage et tout. Maintenant, c'est sain que ça se fasse aussi. Je pense que ça témoigne d'une appropriation par les fans, même si... Ah oui, il y a quand même des fanfics Kaamelott, par exemple, un peu partout sur Internet, évidemment. Il y a une appropriation par les fans. On a peu parlé des fans de Kaamelott stéréotypiques la dernière fois. On en parle régulièrement, mais... Disons, c'est une série qui a on peut pas lui ôter ça comme mérite, quoi. C'est une série qui a su capter. Il y a ce drôle d'effet des fans de Camelot dont je n'ai parlé la dernière fois, où c'est que, en fait, la série a jamais ce point de vue. Même typiquement Caradoc, quand il dit oh, le gras, c'est la vie, je bouffe du saucisson. La série n'est pas en train de vous de présenter Caradoc comme un personnage particulièrement équilibré, mais t'as quand même des gens, je sais pas, ils se sentent spécial à manger du saucisson, je sais pas. Ils ont une espèce de lien identitaire à la charcuterie. Ou, ça s'appelle un français, là. Oui. Un patriote. C'est un membre du Rassemblement National. Non, la France. Je suis un peu excessif peut-être là-dessus, mais... Pas n'importe laquelle. Disons, la charcuterie et le gras, il y a, disons, une certaine identité française basée là-dessus. Comme je disais, c'est exactement ce qui s'est passé avec Boulette, qui se retrouve avec des gens qui venaient en dédicace. Moi, je mange que de la viande. La viande, c'est la force. La viande, c'est la force. Alors que Boulette est végétarien ou vegan, je sais plus maintenant. Ouais, puis qu'il critiquait ça. Je sais pas. Je pense que c'est un peu inévitable d'une certaine manière. Puis le fait que, effectivement, je dois dire que pour des gens qui font des trucs arthuriens depuis un peu plus de 3 ans maintenant, effectivement, ça peut être un peu fatigant à chaque fois que tu postes un lien ou quelque chose, qu'il y ait toujours quelqu'un qui te réponde « bocal à anchois » ou « c'est pas faux », ça peut effectivement être fatigant. Mais le truc, c'est que si c'était pas ça, ce serait des mecs qui feraient des références à Sacré Graal des Monty Python, quoi. Donc, effectivement. C'est-à-dire que d'ici à ce qu'il y ait le prochain truc drôle, peut-être si on faisait des trucs drôles plus souvent, peut-être qu'on en aurait un peu plus de variété, je sais pas. Donc moi, je vois... Je me suis un peu habitué aussi. Et ça a apporté finalement... Il n'y a pas tant de... Disons, il y a beaucoup de réinterprétations comiques de la matière de Bretagne, mais Kaamelott fait certainement partie de celles qui a le plus creusé la matière de Bretagne, en plus de creuser... Enfin, on peut beaucoup s'amuser de Sacré Graal. Et Sacré Graal, c'est un film qui est vraiment très sympa, qui est très drôle. Mais enfin, on peut pas particulièrement dire que Sacré Graal fait une interprétation particulièrement mémorable de la matière de Bretagne. Ouais, il y a d'autres trucs. Il y a deux, trois morceaux, disons. Le château des Pucelles. Oui, il y a deux, trois trucs rigolos, mais il n'y a pas de profondeur particulière là-dedans. Non, oui. Que Kaamelott a tout à fait réussi à capter, ce qui est rare pour une œuvre. C'est déjà rare pour une œuvre sérieuse de capter ce qui fait l'essence de la matière de Bretagne, ne serait-ce que par quelques moments. Je veux dire, Antoine Foucault, dans son Kaamelott, dans son King Arthur. Ouais. Arrive pas pour moi du tout à capter quoi que ce soit. C'est clairement une histoire de post-romaine, invasion, etc. Mais il n'y a rien d'arthurien particulièrement là-dedans. Non, c'est comme on avait déjà parlé, je pense pas qu'on fera un jour un épisode sur le King Arthur de Foucault, parce que, ou peut-être un double feature avec la dernière légion, parce que c'est un de ces trucs qui est là, genre on va résoudre la légion arthurienne. Mais il n'y a pas de grand chose d'arthurien du coup dedans. Non, c'est ça, on va juste vous dire, en fait Arthur c'était un sarmate, et puis Guenièvre c'était une picte. Ouais, ça apporte pas. Plutôt que de raconter une histoire, c'est un peu comme la dernière légion qui est là, genre en fait, Romulus Augustule, c'est devenu. Arthur, Pendragon. C'est devenu Pendragon. Putain, bon, ok. Et moi, j'étais Merlin. Ah, super. Non, c'est ça. Kaamelott a réussi quelque chose que pas tout le monde réussit. Pas tout le monde réussit. En partie, disons, je pense, grâce non seulement à son écriture, grâce à Astier, et grâce à son cast, en fait, aussi. Ouais. Non, c'est clair, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il faudra qu'on vous reparle bientôt d'autres interprétations modernes, notamment la série justement Cursed que tu as mentionné. Je sais pas comment elle s'appelle en français, juste. J'ai aucune idée, je crois que c'est Cursed aussi. J'imagine. Cursed, la malédiction, ou un truc comme ça. Maudite, ou un truc. Franchement, aucune idée. Maudite. Non, on va pas s'attirer des ennemis québécois. Je sais pas du tout comment cette série s'appelle, tiens, sur Cursed la Rebelle. Cursed la Rebelle. Qu'on pourra vous parler prochainement. On aura de quoi, mais on aura l'épisode Kaamelott aussi, évidemment, le film. On aura beaucoup Si il sort, s'il n'y a pas une quatrième vague du coronavirus qui referme les cinémas. À ce moment-là, je pense qu'il le diffuse en prime time sur M6 ou un truc comme toujours ça. Toujours les excuses de Monsieur Astier. Hein, on connaît... le Covid. Juste en train de devenir ce sceptique du Covid qui ne porte pas de masque puis qui va dans la rue, mais uniquement pour le film de Kaamelott. C'est tout un complot d'Astier pour que... Militer devant les cinémas... Release de Astier Cut. Donc, d'ici là, on espère que ça vous a plu de replonger dans Kaamelott avec nous. On vous souhaite une très belle fin d'année. Et on vous souhaite... On vous salue chaudement. Et on pense que la prochaine fois, vous nous retrouverez non pas sur Radio Kawa, RIP, Radio Kawa, mais sur sursus.ch. Et les autres internets. Et les autres internets, bien sûr, tous les réseaux. Vous savez où nous trouver. D'ici là, à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la quête continue. Thank you.